votre Carole Biffer. Je vous donne désormais rendez-vous tous les jeudis et vendredis dans le cadre de Blessed Afternoon dès 16h35. Prenez le rendez-vous. Blessed Afternoon, c'est votre plateforme de débat, d'échange et d'éducation sur Radio Bonne Nouvelle. Le conflit contre prophètes et devins est le plus spectaculaire de ces dernières années. Moïse, les prophètes, les apôtres du Seigneur Jésus l'avaient affirmé, non seulement comme l'être suprême, mais comme l'être unique et absolu. Tous les peuples ont eu des oracles ou des devins. Israël seul a eu des prophètes. Cependant, il y a une différence entre la prophétie et la divination. La divination, quant à elle, se rapporte comment au moment présent? La prophétie, elle, s'élance jusqu'au terme de l'histoire, jusqu'à la fin des jours. Plusieurs choses s'entrevauchent avec « Ainsi parle l'Éternel » lorsqu'on observe dans la Bible, et Jésus qui le dit « en vérité », et d'autre part, les devins qui annoncent des oracles. La ligne de démarcation est par moments difficile de pouvoir percevoir où est le vrai du faux. C'est la raison d'être encore de Blessed Afternoon ce jour qui s'intéresse à la thématique « Le chrétien face à la prophétie aux pratiques divinatoires, quelle attitude adopter ?» Nous allons débriefier ce sujet avec l'évangéliste Élie Bertrand-Tiabda qui est dans ce studio. L'homme dont Jésus a touché les doigts, l'homme au doigt d'or, Tonton Théo a sur le côté technique, Patrick Harold Biffer derrière ce micro de présentation, balle au centre. Voilà, merci à l'homme au doigt d'or pour cette transition qui nous permet de pouvoir ouvrir la première fenêtre de cette émission. C'est une réflexion que nous signe ce jour Patrick Tienkamp dans le cadre de cet espace. Si vous venez de nous prendre en cours, le chrétien face à la prophétie aux pratiques divinatoires, quelle attitude adopter? Vous aurez l'opportunité de réagir. Mais tout d'abord, la réflexion de ce jour avec Patrick Tienkamp. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Ce passage biblique qui a le mérite d'être particulièrement clair soulève néanmoins quelques interrogations, notamment celle de savoir si tous ces « ainsi parle le Seigneur » qui sont si souvent incompatibles avec l'enseignement des Saintes Écritures, seraient effectivement inspirés par le Saint-Esprit. Une observation minutieuse des prophéties bibliques permet de se rendre compte que toute prophétie inspirée de Dieu vise de façon globale un seul objectif, celui d'affermir le peuple dans la crainte de l'Éternel. En rapprochant certaines des prophéties qui nous sont servis aujourd'hui dans plusieurs églises, de celles contenues dans la Bible, il apparaît des différences de forme et de fond tellement évidentes que l'on ne peut s'empêcher de se demander si Dieu aurait commencé à se contredire. Si c'est le même Dieu qui suscita des prophètes tels que Élie, Michée, Jérémie et autres Isaïe, jadis connus et haïs pour leur dénonciation des déviances du peuple, qui d'un coup aurait décidé de susciter désormais des prophètes étrangement silencieux face au péché et prolifiques en promesses de miracles et de bonheur, même aux adversaires déclarés de Dieu. Des prophètes dont on ne saurait plus dire exactement ce qui les différencie des diseurs d'avenir et des prédicteurs de bonnes aventures. Face à la grande confusion dans laquelle certains prophètes et prophéties ont plongé une bonne partie de l'Église actuelle, c'est avec honneur et espoir que nous nous en remettons à la clairvoyance des panélistes de la tribune Blessed Afternoon pour, un temps soit peu, éclairer notre lanterne sur le comment discerner un vrai prophète de Dieu d'un divin autoproclamé prophète, sur le comment distinguer une prophétie inspirée du Saint-Esprit d'une prédiction inspirée par l'audace et l'instinct flatteur des diseurs d'avenir autodéclarés prophètes du Seigneur. Merci Patrick, merci pour cette réflexion. Patrick Twinkham, dont vous allez retrouver tout à l'heure à 21h dans le cadre des Héros de la foi. Évangéliste Élie Bertrand, bienvenue et bon après-midi. Bon après-midi Raoul Patrick, bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être dans ce studio, ce merveilleux studio de Radio Bonne Nouvelle ce soir. Voilà, un sujet tel le chrétien face à la prophétie aux pratiques divinatoires, quelle attitude adopter? Est-il nécessaire de s'intéresser à une telle problématique au regard du contexte actuel que nous décrit Patrick Twinkham? Bien entendu, Raoul Patrick, en parcourant la Bible, on est frappé par l'enseignement biblique concernant notre époque dans le plan de Dieu. Et voyant ces choses, je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a poussé à choisir ce thème ô combien important afin que les enfants du Seigneur soient éclairés. Donc s'il y a vraiment une période dans l'histoire des hommes où l'on doit parler plus en profondeur de la prophétie et de la divination, c'est bien celle-ci. Si vous le permettez, prenons comme cela quelques-uns des nombreux passages qui parlent de ce que nous voulons traiter ce soir. Ici, commençons par ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a déclaré dans Matthieu chapitre 24. Les auditeurs à la maison peuvent prendre Matthieu chapitre 24 pour voir cette problématique dont nous posons ce soir. Matthieu chapitre 24, on va prendre les versets 1 à 5. Matthieu chapitre 24, les versets 1 à 5. La Bible déclare, « Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchant pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Oh » oui. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Jésus dit, répond directement avant avec l'interrogation que les disciples lui ont posée en commençant par la mise en garde. « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc dans ce Matthieu chapitre 24, verset 1 à 5, on voit clairement la mise en garde quant à la venue des différents prophètes et divins à la fin des temps. Nous prenons également le verset 11 et le verset 23 de ce même chapitre de Matthieu 24. Le verset 11 dit quelque chose de merveilleux également. Le verset 11 dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 23 et 24, il est également dit « Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Alors, ça veut dire que c'est prophétisé pour notre fin de temps-ci qu'il y aurait beaucoup une panoplie de faux prophètes et des divins. Voilà pourquoi cette thématique d'aujourd'hui est assez importante pour éclairer la lanterne des auditeurs des uns et des autres. Je reste avec vous, évangéliste Élie Bertrand. Est-ce que un tel climat, une telle atmosphère dont vous êtes en train de décrire, s'était déjà produit dans des années passées, dans les temps antérieurs? Effectivement. Vérifions toujours dans la Bible, puisque c'est la Bible qui nous conduit. Ouvrons la Bible dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2, deuxième épître de Pierre au chapitre 2. Pour voir que ça s'est déjà répété, ça s'est déjà passé dans la Bible et on va parcourir quelques passages de l'Écriture. Voilà ce que la Bible déclare dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2. Il dit, chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. » Ça veut dire qu'il y a eu cela dans le passé. « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Donc, l'apôtre Pierre nous fait remarquer ici donc, que dans le passé, il y a eu. On peut également voir tout cela également dans le livre des Actes au chapitre 5. On va parcourir le livre des Actes des Apôtres ce soir. Actes des Apôtres au chapitre 5. Commençons par le chapitre 5 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 5, les versets 34 et 39. 34 à 39. « Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que Paris Thédas, qui se donnant pour quelque chose et auquel s'est rallié environ 400 hommes, il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits en rien. » Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Il est à remarquer que le premier cité, Thédas, est sorti tout juste après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ en 44 et 46. Oui. Et le second, Judas le Galiléen, est apparu à 6 après Jésus-Christ tout juste. Donc, il y a eu de ces mêmes phénomènes. Si on continue à parcourir Actes des Apôtres, on va lire au chapitre 8 de ces mêmes Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Du verset 9 au verset 13, Actes des Apôtres. La Bible déclare, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait d'étonnement du peuple de la Samarie. Oui. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Ce qui fait qu'il crée la confusion. Oui. Celle qui s'appelle la belle, la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Donc, si on continue également dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Donc ici en Samarie, avant que l'évangéliste Philippe ne descende là-bas, le Saint-Esprit conduise l'évangéliste Philippe en Samarie. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, la Bible l'appelle Simon le magicien, qui avait étonné par les arts divinatoires, les arts de magie, les habitants de cette ville. Mais il y a eu une confrontation, comme il y aura encore à notre période, une confrontation entre le vrai prophète de Dieu et les faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la divination. Donc si nous prenons également, si vous le permettez, Actes des Apôtres chapitre 13, du verset 4. Prenons le verset 4 jusqu'au verset 12. Alors, il est écrit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvaient un certain magicien, faux prophète, juif nommé Bar-Jésus. Et je vous fais remarquer que Bar-Jésus est dit fils de Jésus. Alors ça, c'est après la montée du Seigneur Jésus-Christ. Ayant ensuite traversé, écoutez bien, chers auditeurs, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Pour dire que même avec l'intelligence, on ne peut pas détecter la différence entre le faux et le vrai concernant l'esprit. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable !» Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et il donne l'ascension. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussi l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait à tâtons, en tâtonnant des personnes pour le guider. Donc si on continue également dans Actes des Apôtres, dans la suite du développement, on va y revenir avec tout ce verset. On peut également voir cela dans l'Ancien Testament, Élie et les prophètes de Baal dans 1 Roi au chapitre 17 et 18. Oui. Moïse et les prophètes de Pharaon dans le livre d'Exode, de Miché fils d'Injimla face à une faculté de théologie prophétique, j'allais dire des faux prophètes, qui dans 1 Roi au chapitre 22 se donne à cœur joie à des démonstrations prophétiques diabolico-sataniques. Il y en a eu tellement dans la Bible. Ananias et Jérémie dans le livre de Jérémie au chapitre 28. Or, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 que ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Alléluia. Voilà, donc c'était des explications au sujet donc de cette thématique. Évangéliste, je reste avec vous. Si on s'intéressait un tantinet à cette thématique, la prophétie ou soit la divination, que signifie donc le mot prophétie? Lorsqu'on l'aborde, tout le monde peut tirer le drap de son côté ou tirer la corde tel qu'il il le ressent. Prophétie, c'est quoi? En réalité, la prophétie peut être définie comme étant une parole divine donnée par un individu, concernant une situation donnée de l'avenir. Oui. Mais la prophétie va au-delà de cela. Parce que qu'un chant en l'honneur de notre Créateur est souvent appelé prophétie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un rempli du Saint-Esprit chante des paroles données par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le livre de Luc au chapitre 1, que vous permettez, si vous permettez, on lit. Oui. Le livre de Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1. On va prendre à partir du verset 67. La Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 1, le verset 67, « Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » Alors, on voit ici, là, le Saint-Esprit écrit dans la Bible, au verset 67, là, que Zacharie fut rempli du Saint-Esprit, il prophétisa en ces mots. Et là, dans la suite du développement, on voit très bien qu'il est en train de rendre grâce au Seigneur. C'est un chant suscité par le Saint-Esprit dans l'optique de déclarer les oracles du Seigneur. Et également, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 5 et 6 et le verset 10, on voit l'illustration des groupes de prophètes qui sortent des hauts lieux, dont le prophète Samuel dira à Saül, lorsque tu iras en ces lieux-là, tu atteindras les troupes de prophètes rentrant des hauts lieux et prophétisant, l'Esprit du Seigneur tombera sur toi, toi-même tu prophétiseras. Donc on voit très bien que cette troupe-là ne parlait pas à un individu concerné, mais il chantait des chants de Dieu, mais c'est sous l'inspiration. Donc en fin de compte, la prophétie peut être définie comme une parole donnée. Dans le premier plan, ce qui nous intéresse ce soir, bien que dans la suite, nous allons développer et essayer de tirer si le Seigneur le permet. Alors, dans 1 Timothée au chapitre 1, si vous permettez également, 1 Timothée au chapitre 1, 1 Timothée chapitre 1, premier livre de Timothée chapitre 1, le verset 18, je vais lire quelque chose là. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. La Bible déclare, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Donc, lorsqu'on voit ici, l'apôtre Paul réitère une prophétie qui avait été donnée au frère Timothée. Et Timothée n'était pas trop engagé à accomplir les paroles qui ont été dites sur lui par rapport à son avenir. Oui. Alors, l'apôtre Paul réitérait ici qu'il prenne l'engagement par rapport aux paroles qui lui avaient été données. Donc, la prophétie lui avait été donnée par l'Assemblée des Anciens. Certainement pas une parole prophétique et ça concernait le ministère dans lequel il s'est retrouvé. Donc il est à noter que la Bible, même dans sa totalité aussi, est une prophétie et n'est que prophétie. Je recommence encore, la Bible dans sa totalité est une prophétie et n'est que prophétie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que toute la parole de Dieu parle du passé, du présent et de l'avenir. Toute la parole de Dieu parle du passé, du présent et de l'avenir. Allez-y, vous étiez dans la deuxième illustration. Ok, donc si on prend pour ce premier cas, dans Luc chapitre 1 et dans 1 Samuel chapitre 10 dont j'ai parlé, on voit très bien que la prophétie, on peut circonscrire la prophétie comme une parole divine venant pour un individu, à une communauté, oui, à un pays ou bien à un peuple ou bien au monde entier, pour le cas de la Bible par exemple. Mais pour ce qui est de la divination, oui, il faut savoir que c'est la plus ancienne forme d'occultisme. Elle est liée à la crainte de l'avenir. Nous voyons par exemple de livre de 1 Samuel chapitre 28. Oui. J'invite les auditeurs à prendre 1 Samuel chapitre 28. Et par la suite, nous allons essayer de voir, retracer ses origines. 1 Samuel chapitre 28. Le livre de 1 Samuel chapitre 28. Je vais prendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. La Bible déclare, Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. C'est très important le verset 3. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Les Philistins se rassemblaient et vinrent camper à Sunem. Saul rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. Verset 5 maintenant. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte. Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Verset 7, et Saul dit à ses serviteurs, cherche-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dit, voici à Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Donc il ressort dans 1 Samuel chapitre 28 que Saul, si nous prenons notre lecture pour ceux qui ont eu à parcourir 1 Samuel, Saul désobéit à la voix de l'Éternel dans le chapitre 15. Oui. Et le prophète Samuel vient lui donner la déclaration que Dieu a déchiré la royauté sur lui. Alors maintenant, après cela, Samuel meurt. Saul est rejeté comme roi d'Israël. Par la suite, donc, il y a une bataille qui s'engage entre Israël et les Philistins. Alors Saul, la Bible déclare au verset 5, à la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte. Donc nous voyons très bien que la divination est liée directement à la crainte de l'avenir. Donc quand l'être humain se sent en insécurité, on cherche à savoir ce qui pourra nous arriver. Son origine en réalité monte loin après la chute de l'homme dans la Genèse, chez les Chaldéens. Par exemple, dans Genèse au chapitre 44 que nous allons prendre, Genèse... Auditeurs bien-aimés dans la maison, vous tous qui nous écoutez maintenant, prenez votre livre dans l'UD et Genèse au chapitre 44. Nous allons retracer comme ça les origines de la divination. Genèse chapitre 44, nous allons prendre à partir du verset 5. Lisons directement le verset 5 et puis que le Seigneur nous conduise là-bas. La Bible déclare au verset 5, « N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner ?» Vous avez mal fait d'agir ainsi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les frères de Joseph sont venus en Égypte par suite des famines. Alors, Joseph, voulant se montrer à ses frères, avec l'amour qui lui avait été donné par le Seigneur, a fait déposer une de ses coupes dans un des sacs de l'un de ses frères. Oui. Alors, à leur départ, il a envoyé les gens aller chercher ses frères en voulant les dénoncer, en disant ils ont volé la coupe. Au verset 5, il dit, « N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner, vous avez mal agi. » En fait, Joseph fait dire à ses frères, par son intendant, qu'ils ont volé une coupe dans laquelle il était censé lire l'avenir. La Bible dit « deviner » au verset 5. En fait, ses frères l'ont cru. Cela veut dire que c'était une pratique répandue. Si nous prenons également le livre de Daniel au chapitre... Déjà, avant de continuer, lisons le verset 15 même de ce même chapitre. La Bible déclare, « Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Ça veut dire, depuis le livre de la Genèse, depuis le chapitre 11 avec Nimrod, si nous retraçons les origines, alors nous allons voir très bien que la magie est issue de la Chaldée, comme nous allons voir dans le livre de Daniel également. Daniel au chapitre 2, prenons Daniel au chapitre 2, le livre du prophète Daniel, chapitre 2. La Bible déclare dans Daniel chapitre 2, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Nous voyons très bien qu'à Babylone, il y avait cette pratique. Si nous prenons également le livre des deux rois chapitre 17, les versets 17 et 18. Deux rois. Ils pourront lire, vous pouvez commenter. Oui. Donc, 2 Rois, chapitre 17 et 18. En fait, tous ces versets, tous ces passages bibliques-là, c'est pour circonscrire la prophétie et la divination dans la parole de Dieu. Pour voir très bien que Dieu met une nette différence entre la prophétie venant de lui et la divination. Donc, il faut que les auditeurs qui nous écoutent maintenant sachent que celui qui fait ou exerce l'art divinatoire est habité par un esprit impur, un esprit satanique, un démon qui lui communique la faculté de faire, dire ou opérer des choses surnaturelles. Par exemple, si vous permettez, pour ceci également, il faut que les gens le lisent. Lévitique au chapitre 20. Dans Lévitique au chapitre 20, pour étayer ce que son ennemi dit, ce que la parole de Dieu dit. Lévitique chapitre 20, le verset 27. Lévitique chapitre 20, le verset 27 dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination. Remarquez très bien comment le Saint-Esprit appelle. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur leur tête. Donc, ceux qui pratiquent l'art divinatoire ont un démon désincarné qui habite en eux. Donc, dans le livre de Zacharie, chapitre 10, verset 2 également, la Bible déclare que les devins prophétisent des faussetés. Ce qui ressort clairement de cette parole est que la divination n'est autre chose qu'une tentative de Satan et ses agents à pénétrer dans le domaine de l'avenir. J'aimerais préciser ici que Satan et ses anges qui l'ont suivi dans la rébellion, selon Ésaïe chapitre 14 et Apocalypse 12, ont été dépouillés de leur splendide parure céleste. Ils se sont alors retrouvés nus. Chaque démon cherche alors à retrouver une enveloppe humaine au sein de laquelle il va pouvoir exercer, poursuivre les projets diaboliques, celui que Satan a dépouillé dans son cœur, la destruction de l'espèce humaine. Si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 13, où le Seigneur Jésus rencontre cet homme qui avait été habité d'un esprit appelé Légion, Jésus l'a chassé. Ils ont supplié le Seigneur Jésus Christ de ne pas les permettre de sortir hors du pays. Alors ça veut dire que ce sont des démons territoriaux. Alors Jésus leur a permis d'entrer dans un tas de pousseaux, de 2000 pousseaux. Ils sont allés se jeter dans la mer. Donc les démons veulent toujours, pour manifester, étant invisibles, veulent manifester le dessein satanique sur la terre, utilisent le corps matériel. Mais pour qu'un démon puisse y entrer dans un corps humain, il faut qu'une porte, une clé lui soit accordée. L'un des moyens donc les plus efficaces est donc la divination. Comme ce livre de Lévitique chapitre 20 verset 25 nous atteste que l'esprit habite en nous, l'esprit des morts, l'esprit des divinités. Elle conduit directement celui qui l'exerce à la possession par des démons. Voilà. Une parenthèse, évangéliste. Est-ce qu'à partir de ce que vous décrivez, on peut dire que la prophétie aujourd'hui et la divination qui est toute prête ressemble un peu ou se rapproche à la parabole du Seigneur sur l'ivraie et le blé, c'est ça cette parabole? Exactement. Donc dans cette parabole de l'ivraie et le blé, on voit très bien la ressemblance qui semble y avoir entre le l'ivraie et le blé. Oui. Mais le Seigneur veut faire ressortir également que malgré cette ressemblance, il y a les dissemblances. Alors, aucune prophétie de quelque époque que ce soit n'a jamais contredit la révélation de la parole, l'écriture. Oui. Voilà pourquoi je rends infiniment grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné, quelque chose de précieux, de stable, l'écriture, afin que nous puissions nous y référer en matière de jugement de ce qui doit être rejeté ou accepté. La Bible dit, par exemple, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 25, que la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, combien de mariages ont été brisés, tout simplement parce qu'on a manqué de regarder si la prophétie s'alignait avec la révélation de l'Écriture. J'ai rencontré des gens qui baptisaient un enfant mort. En plus, c'est une femme qui baptisait, défendant sa position par suite des prophéties, alors que la révélation de la parole écrite balait tout cela. J'ai eu le cas d'un pasteur qui a eu une prophétie disant qu'une sœur X était sa femme. Plus tard, il a épousé une autre, disant que Dieu a dit que c'est parce que la sœur X n'a pas compris la prophétie. J'ai sous la main le cas d'une sœur en instance de divorce qui a posé le problème à son pasteur. Comment faire? Ce pasteur profiteur, tueur d'âme, l'a plutôt amené dans son lit. Pourtant, lui-même est marié. Et je vous en prie, sa femme et cette sœur ont même prénom. Elles se rencontrent dans l'assemblée. Le pasteur dit que c'est une prophétie, qu'elle est son épouse d'intercession, l'épouse d'intercession. Et il dit, il ne faut pas que l'épouse de la maison la rencontre, il faut qu'elle reste dans l'ombre. Voilà pourquoi dans l'assemblée, il y a de l'inceste. Alors que la révélation de l'Écriture dit que chaque homme est sa femme au singulier et que chaque femme est son mari. Et le Dieu de la Bible précise qu'il hait le divorce. J'ai également rencontré, si vous le permettez, une sœur qui s'est dit prophétesse, qui était l'une des trois épouses d'un évangéliste. L'une d'elles est taxée dans l'assemblée des sorciers et l'évangéliste a plusieurs lits conjugaux. Puisse Dieu nous pardonner. J'ai encore le cas de ces pasteurs qui disaient sortir de leur école biblique, se précipitant vers une veuve qui était mariée et dont son mari était décédé. Oui. Il s'est précipité parce que selon le témoignage qu'elle m'a donné, dans leur école biblique, il fallait pour qu'on puisse leur octroyer le diplôme, il fallait que le pasteur soit marié. Donc, cette femme est venue vers moi en disant qu'une autre femme est venue à la maison, une sœur qu'elle avait prise parce que l'assemblée se trouvait dans leur maison. Et au fur et à mesure, dans leur relation, le pasteur qu'il avait épousé pour pouvoir avoir son diplôme théologique a plutôt pris cette sœur-là. Conséquence, la prophétie qui a initialement désigné la première sœur comme son épouse a désigné encore une autre. Donc, autant de discordes au milieu chrétien d'aujourd'hui en matière de prophétie. Mais la parole de Dieu n'a pas bougé parce qu'il faut que nous examinions cela au clair, avec la clarté du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Voilà, nous allons l'examiner. Évangélie, vous faites bien de le dire. Dites-nous, quel est l'objectif ou la mission d'une prophétie ou soit de la divination? Pourquoi est-ce que Dieu parle? Pourquoi il parle à travers la prophétie? Et également, pour quelles raisons Satan parle aussi à travers les dévins ou les faux prophètes? Pour quel objectif? Alors, il faut remarquer que la guerre céleste qu'a déclenché Lucifer se répercute sur la face du monde jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ainsi, chacun des deux protagonistes manifeste sa force pour attirer ces gens à lui. Oui. Ainsi, quand Dieu accorde un don spirituel, ce n'est pas pour celui qui a reçu ce don, mais pour d'autres personnes. Et Dieu s'attend à ce que nous utilisions tout don venant de lui pour faire avancer le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il doit appeler pour faire rendre des comptes toute personne à qui il a remis des mines ou des talents. Ceci dit, quand une prophétie est donnée, le but ultime de Dieu est de faire plier les cœurs de son côté. Par exemple, lisons... Donc, ramener les cœurs à lui. Ramener les cœurs à lui. Lisons cela dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Allez-y. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. On va lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Ah oui. OK. La Bible déclare, « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils suivent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? » Verset 24. « Mais si tous prophétisent, écoutez bien, mais si tous prophétisent et qu'ils suivent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. » Verset 25 maintenant. « Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Oui. » Donc, il ressort de ce passage que le but pour lequel, en fait, pour ce qui est des dons spirituels en général, c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de recruter, d'appeler ses enfants qu'il a connus d'avance. Mm-hmm. Mais pour ce qui nous concerne, ce soit la prophétie, nous voyons très bien que la Bible nous dit, quand les gens viennent par prophétie, on peut dévoiler le secret de leur vie et ils se mettent à genoux, adorent Dieu et se repentent pour venir à Dieu. Et le but est atteint pour Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu recherchait en octroyant ces dons spirituels est atteint pour Dieu lorsque une personne vient à lui. De la même manière, Satan utilise ses devins, les faux prophètes, oui, pour faire venir à lui le maximum de gens. Et la Bible révèle que la majorité des gens vont et iront de son côté parce qu'il dit des choses agréables aux oreilles, il parle d'après le monde. Dans le livre de 1 Jean au chapitre 4, versets 5 et 6, il est dit particulièrement de ces faux prophètes qui, comme ils sont du monde, ils parlent d'après le monde et nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi ils ne nous écoutent pas. Donc, comment procède-t-il alors? Il utilise plusieurs sources pour détruire l'humanité. Ah oui. On peut citer entre autres les manifestations diaboliques, diabolico-divinatoires cachées sous les noms de cultures ou traditions. C'est pourquoi je déclare ici, au nom de Jésus-Christ, que si tu m'écoutes maintenant, tu pratiques du ngondo, de près ou de loin, même si tu portes seulement le tissu de cette manifestation, tu as choisi le camp de Satan. Tu as choisi le camp de Satan. Sois gouverneur, délégué du gouvernement, commissaire de police. Satan s'en fiche de tes titres. Il sait que l'enjeu, c'est ton âme. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Et moi, je pourrais réitérer en disant que sert-il à un homme de participer au ngondo s'il perdait son âme. Les adeptes du ngondo chez les Bamoun, le Mwanenkoum à Ebonay en Konsamba dans le Mungo, les suivants des Mwankoum, des Tombel, Bangem, Ngutsi, Nyasoso dans le coupé Mwanengoba, les rites traditionnels dédiés aux dieux appelés chats des dieux sur le mont Cameroun, dans le Fako, les initiés du Mbutsi chez les Gabonais et les Fans, les adeptes de la scientologie, de la théosophie, toute obédience et tendance, ceux qui suivent les rites diocres de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix et différents groupes liés à l'église catholique romaine, vous êtes tous sous le contrôle de Lucifer. Et certains d'entre vous, vous le savez très bien. La parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 11, que l'on doit examiner ce qui est agréable au Seigneur et ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt qu'on doit le condamner. Et Jésus avait dit qu'il n'y a rien de caché qui ne devrait être dévoilé. Et puis il a conclu en disant que tout ce qu'il a dit et qu'il a révélé, qu'on le prêche sur le toit. Donc n'oublions pas aussi ceux de Lakam, de Kungam dans l'ouest et de Mpo chez les Bakoko, du plus petit au plus grand. Vous êtes sous la coupe de Satan. Et on peut également voir la même manifestation dans le livre également de Jérémie, mm-hmm, et des Actes des Apôtres, que vous permettez que je lise si vous voulez. Allez-y. Alors, Jérémie, vous voulez faire une illustration. Oui, une illustration, véritablement. Jérémie au chapitre 7, Jérémie chapitre 7, de verset 16 au verset 20. La Bible dit, « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication, ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » Maintenant, Dieu demande au prophète Jérémie, « Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ?» Verset 18, « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. » Oui. Donc, nous voyons très bien dans cette chaîne d'idolâtrie, oui, il y a les enfants, il y a les hommes, il y a les parents. Voilà pourquoi j'ai dit si quelqu'un participe de près ou de loin au ngondo ou à une de ces traditions. Donc, si quelqu'un court seulement les habits de ngondo à la maison, quelqu'un emporte seulement pour participer de près ou de loin à ces cérémonies, il est aussi coupable comme cet enfant qui avait ramassé du bois tout simplement. Donc, Dieu avait puni et les parents, et les enfants, et les femmes qui avaient fait des gâteaux pour présenter à la reine du ciel pour hériter l'éternel. Et c'est ces mêmes esprits donc désincarnés qui sont utilisés dans les eaux aujourd'hui. Et nous voyons très bien dans ces manifestations comment comment, il y a des manifestations spirituelles. Et on nous raconte que de quelqu'un entre dans l'eau, par exemple, pour le cas du Ngondo, je ne vais pas faire le procès d'Ngondo aussi, mais nous devons dénoncer toutes ces choses-là. Donc on voit que dans cette tradition-là, des gens entrent dans l'eau, ils reviennent avec des messages des ancêtres. Or, si vous permettez également, la Bible nous avertit quelque chose là dans le livre de Lévitique chapitre 19, le verset 31. Dans le verset 31 de Lévitique chapitre 19, la Bible déclare: ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les divins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc ces pratiques, ce sont des pratiques à dénoncer, à condamner, parce que la parole de Dieu le condamne. Donc Satan les met en place pour attirer le maximum de personnes à lui. Et vous disiez tantôt que Dieu parle parce qu'il révèle la nature, il veut dévoiler ce qui est caché en nous pour nous ramener, pas pour nous détruire ni pour nous condamner. C'est ce que vous... Absolument. Vous ramener à lui dans sa bonté, dans son amour. Voilà. Vous allez peut-être expliquer tout autre chose, mais comment peut-on comprendre aujourd'hui, évangéliste Élibert Trentiabda, les prophéties d'aujourd'hui et celles mentionnées dans la Bible? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Alors, rapprochement entre la prophétie et la divination, c'est ça? Ou bien, je passe bien saisir la question. Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui? Il y a des prophéties, on peut déclarer une prophétie ponctuelle, quelque chose qu'on dit. Vous pouvez arriver à quelqu'un, réellement, vous avez décrit des exemples des femmes qui veulent divorcer, certaines qui vivent dans l'adultère. Elle arrive, par exemple, une telle déclaration en pleine réunion, une réunion d'assemblée, on déclare quelque chose qu'elle est en train de faire. Et aujourd'hui, vous avez dit que toute la parole de Dieu est la prophétie parce qu'elle parle du passé, du présent et de l'avenir. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces prophéties d'aujourd'hui, ces prophéties ponctuelles et celles qui sont mentionnées dans la Bible? Alors, la différence entre la prophétie ponctuelle et celle mentionnée dans la Bible, c'est que toute prophétie ponctuelle peut ne pas se retrouver dans la Bible, mais ça ira dans le même sens que la révélation biblique. Je prends un exemple qu'on puisse bien comprendre. Allez-y. Une personne qui est mariée, déjà mariée, légalement mariée, c'est-à-dire au sens biblique du terme, aucune prophétie, Dieu ne peut pas dire à une autre personne que telle personne qui est déjà mariée est ton mari, parce que la Bible condamne cela. Deuxième chose encore, pour prendre ce même exemple, Dieu ne pourra pas dire à quelqu'un qui est marié de divorcer, parce que lui-même dit déjà dans sa parole qu'il hait le divorce. Donc quand une prophétie ponctuelle semble contredire toute révélation de l'Écriture, directement ça ne vient pas de Dieu. Donc directement dans la suite du développement, on pourra expliquer aux auditeurs comment reconnaître les prophéties qui viennent de Dieu et ainsi détecter les faux prophètes et les pratiques divinatoires distinctement. Voilà, j'allais en venir, vous posez cette question de savoir si les prophéties ponctuelles telles que vous expliquez peuvent-elles contredire les prophéties bibliques? Là, vous répondez par la négative. Et évangéliste, je reste avec vous. Vous avez cité le verset de 1 Corinthiens 14 où l'apôtre Paul recommande d'examiner les prophéties. Dites-nous, à la lumière de quoi examine-t-on une prophétie? Alors, avant d'arriver à votre question, permettez-moi de dire une chose à nos chers auditeurs. Dieu ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Au contraire, il nous a donné un précieux outil, la parole écrite, la Bible. Il faut donc que les uns et les autres sachent que, en matière de foi, la Bible est la seule et l'unique arbitre. Il faut donc que nous ayons foi en la parole et nous lui devons entière soumission. Alors, allons dans la Bible voir ce que Dieu dit. En fait, c'est la négligence et l'ignorance qui ont fait à ce que tous ces problèmes causés par les prophètes, les prophéties entrent dans l'Église. Satan en a profité pour y semer des discordes, des sectes, des zizanies, des haines et des querelles. Dans ce 1 Corinthiens chapitre 14, continuons la lecture. Oui, allez-y. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc souvenez-vous, je suis dit que la Bible nous a été donnée comme dernier habit, comme dernière autorité. Donc au verset 26, à partir du verset 26 de 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible nous dit: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? C'est le Saint-Esprit qui parle. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Verset 27. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Maintenant, verset 29 qui nous conseille maintenant. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Donc la Bible nous dit dans ce verset 29 que nous avons le droit de juger les prophètes par conséquent les prophéties, c'est-à-dire donc, les d'apprécier, paroles, d'apprécier et d'examiner, d'examiner ce qui est écrit. Si nous disons également dans la Bible, dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, oui. Il est dit notamment là-bas, ne méprisez pas les prophéties, mais retenez, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc la Bible nous a mis en garde. Et dans le livre de 1 Jean au chapitre 4, le verset 1 à 2, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Donc ça veut dire que si nous négligeons cela, le problème n'est pas chez Dieu, le problème est chez nous, c'est chez nous. Parce que le Seigneur nous a donné les garde-fous, les feux sont allumés pour pouvoir discerner clairement les prophéties qui viennent de lui, les prophéties qui ne viennent pas de lui. Donc, à la lumière de la Bible, on peut aisément examiner ce qui vient de Dieu. Aujourd'hui, personne n'obéit à ces commandements que le Saint-Esprit a donnés. Les chrétiens ont abandonné leur âme à la merci de Satan. Pas étonnant que de tels problèmes se passent. Il faut que, dès maintenant, les auditeurs sachent que si quelqu'un prophétise dans ta vie, ou quoi que ce soit, Dieu sait toutes choses et te demande de juger. Il dit... Il faut retenir ce qui est bon dans le livre de 1 Thessaloniciens dont on a cité tout à l'heure. Pourquoi il y a cette précision, évangéliste? En fait, c'est parce que l'esprit humain est susceptible de recevoir des messages des deux camps. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit que la guerre spirituelle qui a commencé entre Satan et Dieu se répercute sur l'humanité. Oui. Donc, ça veut dire que l'humain, qu'il l'admet ou non, qu'il croit ou non, il est soumis à ces deux entités, soit Dieu, soit Satan. Alors, prenons un exemple aussi dans les Écritures. Allez-y. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, par exemple, lorsque le Christ, arrivant maintenant au sommet de son ministère, voulant se révéler ou bien révéler le plan pour lequel il est venu, oui. A posé la question aux disciples de savoir que pensez-vous que je suis? Les disciples ont répondu d'une façon ou d'une autre, que les uns et les autres disent que tu es Élie, tu es Jérémie. Et dit, et vous, que dites-vous de moi? L'apôtre Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le Seigneur lui a dit, ce n'est ni la chair, tu n'es pas dans une école de prophètes que tu as appris cela. Ce n'est pas dans une école de théologie que tu n'as pas de diplôme de consécration pour l'avoir. C'est mon Père qui te l'a révélé dans les cieux. Alors, deux minutes plus tard, si vous regardez le verset suivant, Jésus, après l'avoir apprécié et confessé directement que c'est le Père qui lui a révélé cela, dit de Pierre que sur toi, tu es Pierre par cette révélation spirituelle, sur cette révélation, de la façon dont tu as reçu cette révélation, c'est sur cette révélation que l'Église est bâtie. Deux minutes plus tard, ou bien quelques versets plus tard, l'apôtre Pierre, ce même apôtre Pierre, après que le Seigneur lui explique que le but pour lequel je suis venu, il faut que je monte à Jérusalem, que je meure afin que l'humanité soit sauvée, de façon sommaire. Il brossait comme ça le feedback de son ministère. L'apôtre Pierre, le même apôtre Pierre dit, à Dieu ne plaise. Et souvenez-vous de ceci, il a prononcé Dieu. Donc, c'est un signe pour montrer que les fausses prophéties peuvent utiliser également le monde de Dieu, les langages divins pour pouvoir parler, les langages de la parole pour pouvoir tromper. Il dit, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Or, cette déclaration de Pierre est totalement contraire à la volonté écrite de Dieu depuis dans les prophètes. Alors, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Jésus ne parle pas à Pierre, il n'appelle pas Pierre comme Satan, mais il regarde la pensée qui a inspiré cette parole-là à l'apôtre Pierre. Donc, nous voyons très bien qu'un être humain est capable de recevoir un message de Dieu et par la suite de Satan. Et si les éditeurs qui m'écoutent maintenant, ceux particulièrement qui s'appellent prophètes, ceux qui se disent prophètes, qui travaillent dans le don spirituel des prophéties, ils vont reconnaître que s'ils ont des cahiers de prophéties, ils ont eu beaucoup de choses qu'ils ont reçues véritablement. Ils ont véritablement reçu, mais qui ne venaient pas de Dieu. Beaucoup de choses qu'ils ont reçues, vous n'êtes pas allé au bout de votre pensée, vous étiez en train d'illustrer quelque chose. Oui, en fait, je voulais dire que s'il y a vraiment un ministère qui prospère maintenant, c'est celui de la prophétie. Et pourtant, c'est tellement mal enseigné aux gens que je constate que personne ne veut mettre du doigt sur l'abcès. Mais il faut que non seulement nous y mettons le doigt, mais aussi on doit percer l'abcès et faire remuer le couteau dans la blessure afin d'extirper le pus infesté des loups ravisseurs appelés les faux prophètes. Donc on doit examiner toute prophétie à la lumière de la parole de Dieu. La Bible ne dit-elle pas dans le livre des Psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et au verset 9 de ce même Psaume 119, il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la Bible répond, en se dirigeant d'après ta parole. Donc Dieu nous a donné le garde-fou pour nous diriger sans ambiguïté. Disons ce que Dieu veut dire aussi dans le livre de Matthieu chapitre 7, oui. Si vous le permettez. Matthieu chapitre 7. Le livre de Matthieu au chapitre 7. On va prendre à partir du verset 15. Oui. Matthieu chapitre 7. Allez-y. Oui. Verset 15 jusqu'au verset 20. Regardons ce qu'il dit. La Bible déclare au verset 15 de Matthieu chapitre 7, gardez-vous des faux prophètes. Mais c'est quand même terrible, frère. C'est quand même terrible, auditeur de bonnes nouvelles. C'est quand même terrible, vous tous qui nous écoutez aujourd'hui. Partout, ce sont des mises en garde pour notre période. Jésus dit encore ici, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dans le développement, on pourra décortiquer en disant comment les reconnaître. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc c'est ce que le Seigneur nous a dit. Donc si nous ne faisons pas examiner les prophéties dans nos assemblées, nous avons désobéi à Dieu et par conséquent accepté toute ruse et toute tromperie de Satan. Il n'est pas trop tard, il faut juste qu'on se réveille, qu'on ressaisisse l'épée de l'esprit, la parole de Dieu et examiner toute prophétie. Voilà, si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps de Christ, 99.6 FM. Merci à Madame Grace Tiapta qui nous écoute du côté de l'Okpom. Merci également à tous ceux qui vont intervenir d'un moment à l'autre. Donc on va ouvrir l'antenne dans moins de 10 minutes, donc vous pouvez déjà faire parvenir vos SMS au 94 11 94 27 ou au 33 07 56 32 33 07 56 32 33 07 56 32. Vous pouvez nous interrompre à ce numéro et par SMS 94 11 94 27. Et Évangéliste Élie Bertrand, vous expliquez un certain nombre de choses, mais beaucoup sont encore embarrassés. Permettez-nous un peu de comprendre. Quel rapprochement faites-vous entre la prophétie biblico-ponctuel de la divination? Quel rapprochement vous faites? Il faut savoir que Satan a toujours fait comme Dieu. Il a toujours voulu faire comme Dieu. Et c'est normal parce que pour qu'on puisse faire un faux biais, il faut le faire à partir d'un vrai. Oui. Ce qui implique que c'est tout naturel que dans le faux biais des banques, on voit des traits de ressemblance du vrai biais. Voilà pourquoi en ce qui concerne le passé et le présent, oui, la prophétie et la divination sont en égalité. Parce que les démons sont dans le monde depuis. Ils connaissent nos proches, nos activités passées et ce que nous faisons actuellement. C'est pourquoi un divin peut contacter un démon guetteur, c'est-à-dire les démons qui nous suivaient chaque jour, oui, afin qu'il lui livre les informations concernant un individu. Si quelqu'un est lié au culte des sirènes, il contacte dans la sphère spirituelle le démon chargé dans cette tâche. Voilà en somme le rapprochement entre la prophétie ponctuelle dans nos vies quotidiennes, c'est-à-dire la prophétie ponctuelle, ce qui concerne nos vies quotidiennes et le futur, et la divination. Si on est enfant de Dieu, ils n'ont aucun pouvoir. Ils peuvent seulement déclarer notre position. Quand il parle de déclarer notre position, on va voir un exemple dans la Bible, par exemple. Peut-être forcé par le Saint-Esprit ou pour attirer les gens vers eux. C'est ce qui ressort dans les livres de Marc au chapitre 1, verset 21 à 27. Oui. Par exemple, si les auditeurs prennent Marc au chapitre 1, verset 21 à 27, la Bible déclare que Jésus-Christ enseignait un jour dans la synagogue. Il enseignait. Oui. Alors, subitement, un homme qui se trouvait dans la synagogue a commencé à manifester les possessions démoniaques. Il a dit, tu es le fils du Très-Haut. Donc, le démon confessait la position de Christ. Pourtant, ce même personnage-là était, semble-t-il, dans cette synagogue depuis des années. Les gens prêchaient, puisqu'il n'y a pas de confrontation de puissance à puissance, il ne pouvait pas se révéler. Comme l'auteur de la toute-puissance s'est retrouvé dans ces milieux, il était obligé de confesser par le Saint-Esprit qui était celui qui était là devant. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, nous lisons une femme qui avait l'esprit de Python, qui suivait Paul et Jean pendant plusieurs jours et qui confessait que ces hommes sont des apôtres de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. Oui. Et le but n'était pas pour faire évangéliser, avancer le royaume de Dieu, c'est pour montrer clairement qu'elle connaît la position des chrétiens. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est véritablement enfant de Dieu, on n'a aucun pouvoir. Donc, autrement dit, un divin n'a aucun pouvoir de voir quoi que ce soit concernant sa vie. Donc, ce que je viens de dire nous amène à dire directement que ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose de ton passé ou de ton présent que cela est une prophétie venant de Dieu. Il faut encore d'autres critères pour être au clair. Vous allez certainement parler des critères, mais dites-nous, évangéliste Élie Bertrand, quelle est la ligne de démarcation entre cette prophétie dont vous faites éloge et la divination, puisque les deux ont tendance à dire ce qui arrive ou ce qui s'est passé. Voilà. Quelle est la ligne de démarcation? En fait, quand il parlait des rapprochements entre la prophétie et la divination, je me suis limité, par exemple, dans le passé, en disant ceci. Oui. Quand un divin et un prophète de Dieu peuvent prophétiser des choses dans le passé, oui, là c'est normal, puisque Satan y a été. Dans le présent également, par un démon guetteur pour ce qui est la divination, mais l'Esprit de Dieu sonde tout. Mais maintenant, la Bible nous assure que si c'est une pratique divinatoire ou fausse prophétie, ils ne parleront pas selon l'Écriture, mais selon le monde. C'est ce qu'il ressort dans 1 Jean chapitre 4 verset 5. Si vous permettez, je vais lire. Voilà. Vous allez nous illustrer comment on parle selon le monde et non selon la Bible. Allez-y. Exactement. 1 Jean chapitre 4 Vous pouvez à tout moment nous interrompre au 33 07 56 32, 33 07 56 32, également par SMS 94 11 94 27, 94 11 94 27. Vous écoutez Blessed Afternoon sur Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps de Christ. La thématique porte sur le chrétien face à la prophétie et aux pratiques divinatoires. Quelle attitude adopter? Allez-y, évangéliste. Donc, dans ce 1 Jean au chapitre 4, à partir du verset 1, si nous lisons, il dit « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit ». Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il dit maintenant, verset 2, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Maintenant, verset 4, maintenant, vos petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, regardez. Verset 5, il dit, eux, puisqu'on parle des faux prophètes ici, oui. Il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Dans le développement, lorsque nous allons discerner, si Dieu le permet, les différences entre eux, nous allons voir clairement pourquoi ils parlent, ils prêchent des choses du monde, des choses terrestres. On va décortiquer si le Seigneur le permet. La Bible déclare, non, verset 6, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et il dit clairement, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Donc, voilà pourquoi il faut que les auditeurs méditent, lisent la parole de Dieu afin de donner la possibilité au Saint-Esprit de pouvoir utiliser ces paroles que nous avons fait demeurer en nous contre ces fausses prophéties. Gardez aussi en esprit que Satan est assez intelligent pour ne pas dire tout en bloc venant du monde. Il est assez intelligent. Souvenez-vous de ce qu'on a lu tout à l'heure, de cet exemple que j'ai donné tout à l'heure dans Matthieu chapitre 16, où l'apôtre Pierre a été inspiré par Satan, mais commençant par « à Dieu ne plaise ». Et j'ai dit tout à l'heure là qu'il a commencé en voulant déclarer comme si ça venait de Dieu. Donc, on voit très bien que dans la suite du développement, nous verrons également que quand un prophète parle, il ne va pas déclarer, c'est pas comme la Bible a dit qu'il déclarait directement les choses du monde. Ils vont commencer selon les Écritures, mais ils vont tordre l'Écriture. De manière subtile, c'est ça? De manière subtile, de manière rusée. Voilà, nous allons rester sur cette trajectoire dont vous êtes évangéliste. Permettez-moi un peu d'insister, évangéliste Élie Bertrand. Qui agit et contrôle l'avenir? Dieu ou Satan? Permettez-moi vraiment d'insister là-dessus. Qui agit et contrôle l'avenir? Okay. Dieu ou Satan? En fait, c'est une bonne question. Je crois que cette question-là permettra à ce que nous voyons clairement la différence entre la divination, fausse prophétie et la prophétie ponctuelle venant de Dieu. Allez-y. Puisque nous sommes en train de développer. Allez-y. Donc, la question c'est qui contrôle l'avenir? Qui agit et contrôle lui? Satan ou Dieu? Satan ou Dieu. Donc, en fait, c'est ici donc la véritable ligne de démarcation entre la prophétie ponctuelle, toute prophétie venant de Dieu, et la divination. Alors, dans les Saintes Écritures, lisons par exemple, pour bien étayer cela, allez-y, quelques passages dans le livre d'Ésaïe. Allez-y, au moment où vous lisez, chers auditeurs, vous pouvez faire parvenir vos préoccupations. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps de Christ, 99.6 FM, 33 07 56 32, 33 07 56 32, également par SMS, 94 11 94 27, 94 11 94 27. Allez-y, évangéliste. Ok, je commence dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, oui. le verset 9. Le verset 9 dit « Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Oui. Lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dit c'est vrai. » Maintenant, avançons toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41 cette fois-ci. Oui. Ésaïe chapitre 41, les versets 21 à 24. Les versets 21 à 24. La Bible déclare « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez des moyens, vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. » Verset 22. « Qu'ils les produisent et qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. » La Bible déclare, verset 23 maintenant, « Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. » Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyons et que nous regardions ensemble. Verset 24, voici vous n'êtes rien, c'est Dieu qui parle. Et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Donc Dieu, dans ce passage, veut montrer clairement que il seul, lui seul, Dieu, contrôle a le pouvoir sur l'avenir. C'est Dieu seul qui a le contrôle sur l'avenir. Voilà là où on peut commencer à discerner la différence entre celui qui contrôle l'avenir et celui qui ne contrôle pas. C'est-à-dire que Dieu contrôle l'avenir. Satan, jusqu'à un certain degré, contrôle l'avenir. Et il faut qu'on explique aux auditeurs comment Satan contrôle l'avenir. Allez-y. Alors, Dieu, lui, il est l'alpha et l'oméga. Dans le livre d'Ésaïe, toujours dans le chapitre 44, le verset 7 et le verset 25, il dit par exemple qu'il annonce la fin d'une chose avant le commencement. Par exemple, Dieu, notre Dieu, est tellement glorieux qu'il a tout prédit dans la Bible. Il a par exemple parlé de la naissance du Seigneur Jésus-Christ 800 ans avant sa naissance. Il a dit la Vierge enfantera et la Vierge est née. En fait, sur Satan, même son propre adversaire, Dieu a prophétisé sa chute et lui dit comment il va tomber, comment il va l'arrêter, et comment il va l'enfermer, comment il va le détruire. Et Satan ne peut rien contre cela. Cela montre clairement que si Satan lui-même avait le pouvoir sur le futur, il pourrait se ressaisir. Il pouvait changer. Il pouvait changer. Bien plus encore, quand nous lisons beaucoup de témoignages des gens qui ont été dans le satanisme et qui en sont sortis. Ceci, c'est une preuve justement que Satan ne peut pas voir l'avenir. Parce que les gens qui étaient ce collaborateur des humains qu'il utilisait pour pervertir l'humanité, Dieu, dans sa toute puissance, utilise de son autorité pour les arracher de ses mains et dit allez et montrer à l'humanité les pièges que mon adversaire est en train de préparer pour son peuple. Cela veut dire ceci. Si Satan connaissait un temps soit peu que l'avenir de celui qui est jadis son agent devrait être utilisé contre lui, il le tuerait. Donc Satan n'a absolument aucun pouvoir sur l'avenir. Dieu peut déclarer toutes choses. La toute puissance, l'omnipuissance, l'omnipotence, l'omniscience de notre Dieu fait de telle enseigne qu'il sait la fin d'une chose avant son commencement. L'omnipotence de notre Dieu montre qu'il est tout puissant pour modifier les cours de l'histoire. Satan n'en est pas capable. Satan peut déclencher d'ouragan par suite des manifestations démoniaques, mais il n'a aucun pouvoir sur l'avenir. Et si nous entrons encore en profondeur, allez-y. Nous allons voir que ceux donc, parce que beaucoup de personnes ont beaucoup d'ambiguïté au sujet du maraboutisme, ceux qui visitent les divins, on leur dit souvent, si vous n'allez pas au village, vous allez périr. Et curieusement, ils ne vont pas au village et quelque chose leur arrive. Très souvent, ça m'avait aussi étonné jusqu'à ce que je puisse entrer véritablement dans la révélation de la parole. Voici enfin, il faut qu'on explique aux auditeurs ce qui arrive en fin de compte. Allez-y. C'est que quand à l'instant où tu crois à un divin, en fait, je vais expliquer dans deux catégories, dans deux cas. Quand quelqu'un est né de nouveau, sa destinée, d'après Colossiens chapitre 3, la Bible déclare que car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Et dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, verset 6, la Bible déclare que nous sommes ressuscités ensemble et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Remarquez très bien que lorsque la Bible parle de Satan comme le prince de la puissance des ténèbres, des déserts, des lieux célestes, on ne mentionne pas en Christ. Mais pendant que Dieu parle, quand Dieu parle du lieu céleste concernant les chrétiens, il parle et on précise en Christ. Donc il y a deux lieux célestes. L'un, des lieux célestes contrôlés par Satan, l'autre lieu céleste au-dessus de cela. Colossiens au chapitre 2 dit clairement que Christ est le chef de toute autorité, de toute domination. Donc il est allé au-delà des lieux célestes contrôlés par Satan. Donc quand un être humain qui n'est pas né de nouveau, régénéré, c'est-à-dire que celui qui n'est pas chrétien véritablement au sens biblique du terme, est celui qui est en Christ, Satan n'a aucun pouvoir sur son avenir. En fait, il ne peut même pas le regarder parce que en tentant de regarder son avenir, c'est les puissances de feu qui vont être dégagées sur lui. Donc Satan lui-même apprend à ses petits démons que si vous tentez une telle personne, si vous brûlez, c'est votre problème. Donc voilà pourquoi il veut aller vers les gens qui sont dormants. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. 1. Ceux qui se disent chrétiens, les soi-disant chrétiens. 2. Ceux qui se trompent eux-mêmes en croyant servir Dieu. 3. C'est-à-dire de telles personnes qui viennent à la réunion de l'assemblée, ne vivent pas sur la parole, ou bien prennent la parole de Dieu comme une autre lecture, ou bien une distraction, ou bien un passe-temps, ou bien un hobby. Ce genre de personnes sont des agents sataniques dans l'assemblée pour pouvoir pervertir les voies du Seigneur. Voilà comment ça se passe. Ces genre de personnes viendront, par exemple, assisteront au funérail le samedi, et iront chez les marabouts le samedi. Et dimanche matin, viendront au sein de l'assemblée, resteront parmi des gens. Qu'est-ce qui se passe? De telles personnes ne sont pas constantes dans la parole de Dieu. Ce qui fait que, quand on leur dit par exemple, si vous n'allez pas au village pour débrousser sur le crâne de votre père, telle chose va vous arriver. En fait, les maladies que vous traversez ainsi, c'est parce que vous n'occupez pas du crâne de votre père. Je parle par exemple pour ceux qui habitent à l'ouest, pour qu'on puisse bien saisir ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il ne croit pas, le fait qu'il n'est pas sous la protection du sang de Jésus-Christ, alors à l'instant où il croit, à l'instant où il commence à faire ces choses, déjà que son avenir entre les mains du Seigneur, entre les mains du diable. Voilà pourquoi je dis encore une fois, il faut que j'ai réité cela. L'avenir de chaque être humain est contrôlé par Dieu. Mais à l'instant où on se soustrait de la domination, de la souveraineté de Dieu, on se met directement sous la protection de Satan. Ça veut dire que Satan, ne connaissant pas ton avenir, va te dicter l'avenir qui va pour toi. Voilà pourquoi il passe par des divins pour dire à quelqu'un, si tu ne vas pas, telle chose va t'arriver. Et il s'arrange à ce que, puisque tu n'as pas de protection, ces choses arrivent. Et quand ces choses arrivent, on croit que c'est normalement une fatalité. C'est des choses qui devraient arriver. Alors qu'en fin de compte, Dieu a dit dans le livre de Psaume, chapitre 32, verset 8, il dit, j'aurai le regard sur toi. Je te montrerai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois choisir. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Donc le but, c'est demeurer en Christ. Quand on demeure en Christ, caché avec Christ en Dieu, la Bible déclare que si mi tombe à côté, dix mi à droite, on ne sera pas atteint. Parce que Jésus dit dans Matthieu 28, verset 20, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc l'avenir est contrôlé par Dieu, soit des mondains ou bien des chrétiens. Mais quand quelqu'un se soustrait de la domination de Dieu, directement se place sous la direction de Satan. Pas que Satan gère ceci, pas que Satan contrôle l'avenir, mais Satan dicte l'avenir qu'il veut donner pour donner à ses adeptes. Voilà pourquoi ils peuvent rencontrer exactement les prévisions telles que données. Mais ces prévisions ne sont pas des prédictions. Ces prévisions ne sont pas des prédictions. La prédiction dont Dieu parle dans ce livre d'Ésaïe, c'est dit quelque chose qui va arriver dans une échelle aussi grande que l'humanité et que cela arrive exactement comme Dieu a dit. Dieu est passé par exemple par Nebuchadnezzar, par Pharaon, pour donner des prophéties qui touchent jusqu'à notre époque. Par exemple, si nous lisons Daniel chapitre 2, Nebuchadnezzar a vu un arbre, Nebuchadnezzar a vu une statuette, et par la suite, Daniel en a vu des bêtes, et tout concordait, et il passe ainsi par les païens pour donner l'avenir. Et même Satan, voici encore autre chose pour montrer que Dieu contrôle l'humanité, et qu'il contrôle absolument l'avenir. Le type même, le prototype même de la domination satanique sur la terre était Pharaon. Oui. Mais Dieu lui a donné des révélations en disant qu'il y aura 7 années de sécheresse, 7 années d'abondance. Il n'avait aucun pouvoir, il ne peut pas. Et la Bible déclare que Dieu appelle la famine sur la terre. Et il passe par Pharaon pour lui révéler cela. Pharaon, qui est un serviteur du diable, le diable ne peut absolument rien contre cela. Le diable ne peut rien contre cela. Dieu contrôle l'avenir, que ce soit du croyant ou du non-croyant, c'est ce que vous nous expliquez. Exactement. Parce que si Satan le savait, il ne laisserait jamais quelqu'un qui l'a servi. Parce que Dieu est omniscient, il connaît la fin d'une chose que le commencement. Voilà, 33 07 56 32, 33 07 56 32, avant de poursuivre Évangéliste et Libertrand, vous avez des préoccupations ici. 94 11 94 27, 94 11 94 27. Bonsoir pasteur et soyez béni. Comment couper totalement les liens avec un divin ou quelqu'un qui évoque les esprits? C'est Lydie Dakwa. Alors la question, vous pouvez reprendre encore la question. Voilà. Bonsoir pasteur et soyez béni. Comment couper totalement les liens avec un divin ou quelqu'un qui évoque les esprits? C'est Lydie Dakwa. Ok. Alors, la Bible est claire. La Bible déclare qu'il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Oui. Il faut fuir de telles personnes. En fait, dans la Bible déclare même qu'on ne trouve point chez toi ceux qui évoquent les esprits. Ça veut dire que si Lydie a une maison, même la location même de cette maison ne doit pas être octroyée à quelqu'un qui fait de la divination. C'est terrible parce que le lieu même est infesté. Le lieu en est infesté. Donc, pour couper le lien, je conseille à cette sœur, si c'est une relation, si la personne ne peut pas quitter, que lui-même, cette personne qui a envoyé ce message, quitte exactement le lieu. Parce que c'est des puissances sataniques néfastes pour la vie chrétienne. Voilà, une autre préoccupation. Bonsoir frère, merci pour votre intervention sur la prophétie. Elle sera bénéfique pour l'église au Cameroun qui regorge plus de détectives spirituels que de véritables prophètes. Mais je voudrais ajouter que Satan n'est pas intelligent, comme vous l'avez déclaré. Sinon, il ne se serait jamais rebellé contre le Très-Haut. C'est Léopoldine. Alors, il faut qu'on réalise avec cette sœur-là. C'est une sœur ou un frère? C'est une sœur, Léopoldine. C'est une sœur. En fait, quand il parle de l'intelligence, il y a deux styles d'intelligence. L'intelligence dont la Bible parle dans le livre de Job, au chapitre 28, verset 28, dit l'intelligence, véritablement, c'est la crainte de Dieu. Oui. Donc, Satan, l'intelligence au sens mondial, il n'a que l'intelligence diabolique. Donc, c'est de ça qu'il parle. Cet âge d'intelligence, c'est de la ruse. Ce n'est pas l'intelligence divine. Merci pour cette sœur. Voilà. Là, vous étiez en train de nous expliquer. Vous pouvez à tout moment nous interrompre au 33 07 56 32 33. 07 56 32 33 07 56 32. Dites-nous donc, évangéliste Élie Bertrand, lorsque les gens se retrouvent sous l'influence de la divination, comme vous êtes en train d'expliquer, quelles conséquences en tirent-ils? Quel est l'impact que cela peut avoir dans leur vie? Ils sont dans un milieu où, comme le dit cette sœur Léopoldine, il y a des paroles qu'on déclare qui ressemble à ce que Dieu a dit, mais qui ne vient véritablement pas de Dieu. Quel est l'impact que ça va avoir? Ok, sur le plan individuel, c'est-à-dire à une échelle réduite, la personne qui est source de cet esprit de divination, quand elle parle de source. Qui contrôle l'avenir, le diable ou simplement Dieu, le Créateur suprême. Question subtile, embarrassante, délicate, mais aussi pertinente. À la lumière des Écritures, lorsqu'on apporte un élément de réponse, de pouvoir comprendre le cours des événements, c'est encore une fois de plus l'opportunité que nous offre Blessed Afternoon d'être édifié sur cette question de l'avenir au sujet des oracles qui sont faits, au sujet des déclarations, au sujet des événements qui sont annoncés en avance, qui concernent bien entendu l'homme et son créateur. Le chrétien face à la prophétie et aux pratiques divinatoires, quelle attitude adopter? Ce sujet va certainement connaître son dénouement ce jour. Nous sommes en compagnie de l'évangéliste Élie Bertrand Tiabda. Nous ouvrirons l'antenne très tôt pour vous ce jour, lorsqu'il sera 17h20. N'hésitez pas à nous interrompre au 33 07 56 32, 33 07 56 32 par SMS au 94 11 94 27, 94 11 94 27. Une émission aujourd'hui consacrée à beaucoup de personnes qui nous écoutent, notamment Frédéric Tchoumeni et son épouse Olive, qui sont à Oyak. Ce sont des auditeurs fidèles de la fréquence du corps de Christ. Madame Aïssi, voilà, ni Obam. Florence, qui est du côté de l'Orpon, mais aussi à tous ceux qui ont voulu participer à l'émission et qui n'ont pas eu l'opportunité. L'opportunité vous est donnée aujourd'hui, tout comme à Madame Grace Tiabda. Également à celui qui nous encourage toujours dans les coulisses, Joseph Dikouba Bessienne, tout comme Adèle. C'est important d'être encore des nôtres ce jour. Du côté, bien entendu, de Bonabéry, c'est le soutien moral de la princesse Alice, encore connectée sur la 99.6 FM. L'homme dont Jésus a touché les doigts, l'homme au doigt d'or, Tonton Théo, assure le côté technique. Patrick Albiferok, derrière ce micro de présentation, que la partie commence. Merci à Tonton Théo. Nous sommes en compagnie de l'évangéliste Élie Bertrand Tiabda. Évangéliste, bienvenue et bon après-midi. Bon après-midi, mon cher Raoul. Bon après-midi. Je suis vivant aujourd'hui. Ah, certainement, je suis vivant. Ah, mais ça, c'est une grande surprise. N'as-tu pas appris que c'était la fin du monde aujourd'hui? Ah, c'est vrai. Cette date avait été annoncée comme la fin de l'existence de ce monde. Mais c'est curieux, évangéliste, comment on peut comprendre ce genre de situation? Effectivement, ça rejoint exactement le thème que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, la divination et la prophétie. Et hier, déjà, j'ai souligné le fait que Satan ne peut pas deviner l'avenir. Voici une preuve ultime pour savoir de telles choses, que le 21 décembre qu'ils avaient fixé, ça par rapport au calendrier maya, n'a pas eu lieu. Et on peut voir clairement que tous ceux qui ont cru, il y en a des gens. Je vais te raconter une histoire. Allez-y, pour que nos auditeurs en soient également édifiés. Ah oui. C'est que hier soir, il y a une sœur, enfin, c'est une fille à qui on annonce la parole de chaque fois. Oui. Mais au fur et à mesure qu'on avançait avec la parole, elle doutait. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est dit, hier soir, c'est très important d'accepter Christ là maintenant. Il faut qu'elle parte se faire baptiser, sachant que la fin du monde était aujourd'hui. Donc, elle s'est engagée, sachant que si la fin du monde venait à s'arrêter, alors à cause de cette incidence. Bon, alors, ce qu'il faut dire, c'est que plusieurs personnes ont cru à cet événement. Oui. Plusieurs y compris des chrétiens, oui. Puisque j'ai rencontré des chrétiens qui me posaient la question, à quand la fin du monde, véritablement, est-ce que c'est qu'on dit, est-ce que c'est vrai? En fait, c'est pour cela que, si tu permets, à l'introduction comme ça, d'abord, allez-y, vous êtes là pour ça. Pour ne pas être impoli, je dis d'abord bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent, tous ceux qui sont dans les lieux qui ne peuvent même pas appeler à Radio Bonne Nouvelle, mais qui nous écoutent ce soir. Donc, je voulais donc entrer dans la Bible pour montrer qu'il faut que les gens soient vigilants aux prophéties qui sont données. Et je rends grâce à Dieu que ce thème vient rejoindre quelque chose de si grossier qui se passe dans le média. Par exemple, nous prenons notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres pour commencer par là. Oui. Dans Actes des Apôtres au chapitre 1, au verset 6 et 7. Alors, c'est l'histoire de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Après 40 jours, il s'est montré à ses disciples. C'était le dernier jour où il devait monter. Alors, la Bible déclare, alors les apôtres réunis, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Oui. Donc Jésus dit ici que ce n'est pas à l'humanité de connaître les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité. Alors la divination, bien qu'on veut nous faire croire que la divination n'avait pas pour but de sonder l'avenir, voici une preuve. Par l'astrologie, par les calendriers mayas, on essaie de sonder ce qui se passe. Et j'aimerais bien attirer l'attention des uns et des autres que, pour dire ceci, nous tous nous regardons vers le ciel. C'est ce qui est curieux. Les magiciens regardent vers le ciel, les chrétiens regardent vers le ciel. Mais le but, la focalisation, ce sur quoi on se focalise. Remarquez bien que les scientifiques regardent vers le ciel. Oui. Les morts, lorsqu'on enterre même quelqu'un, le visage s'est tourné vers le ciel. Alors nous, les chrétiens, nous regardons ici vers le ciel. Nous attendons notre souverain, notre sauveur Jésus-Christ. Eux, ils sondent pour essayer de savoir si d'une façon ou d'une autre, ils peuvent appréhender l'avenir, savoir ce qui se passe. Et je crois qu'au courant de ce développement, si vous permettez encore, je prends un dernier verset. Allez-y, cela, allez-y. Dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, de verset 35 à 44. De verset 35 à 44, la Bible déclare, le ciel et la terre passeront. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. C'est ce qui est écrit. Ça veut dire que si ces chrétiens qui m'ont posé la question précédemment avaient au moins un temps soit peu lu la Bible, ils auraient su que le Seigneur avait déjà dit qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Enfin, il y a des événements prévus dans la Bible qui doivent se dérouler avant que la fin du monde ne vienne. Alors, encore une fois de plus, s'il y a une fin du monde, comme la Bible le dit, ce sera à la manière de la Bible, pas à la manière que les médias auront prophétisé, parce que c'est la source. Et quand on va voir comment ces choses-là se manifestent dans notre vie, on voit que Satan a développé plusieurs choses, parmi lesquelles les techniques médiatiques pour pouvoir amener la divination. On parle par exemple de l'astrologie par internet et par la télévision. Donc Jésus a dit ici que ses paroles ne cesseront pas tant que le ciel et la terre subsisteront. Et il dit, pour ce qui est du jour où tous ces événements vont se passer, il dit, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, ça veut dire si quelqu'un pronostique que ça va arriver, alors forcément c'est absolument faux parce que Jésus dit ici là que on ne se doutait de rien et ça va se passer de la même façon. Et je parie que comme ce 21 décembre ci ne va pas s'achever absolument comme les gens ont prophétisé, les mondains vont se livrer à cœur joie au péché. La Bible continue au verset 40 en disant, alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Maintenant, verset 42 dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Verset 44, enfin, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Il dit, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y penserez pas. Voilà pourquoi je dis que si Jésus, notre Seigneur, revient le 25 décembre qui est devant nous là, personne ne sera sauvé. Donc, ça veut dire qu'il y a 10% de personnes qui devraient être sauvées dans son plan. Les 10% diminueront à coup sûr. Parce que les gens vont se livrer à cœur joie à des anéries et à des péchés mondains. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps de Christ, l'émission C'est Blessed cet afternoon. Le chrétien face à la prophétie et aux pratiques divinatoires, c'est donc la thématique de ce jour. Quelle attitude adopter? Vous aurez l'opportunité de réagir. Nous allons ouvrir l'antenne très tôt pour vous, 17h20 au 33 007 56 32, 33 07 56 32 également par SMS 94 11 94 27 94 11 94 27. Évangéliste, vous acquiescez? Oui, en fait, je voulais prolonger. Ce 21 décembre a été prophétisé par des astrologues, par des magiciens, mais il y a aussi un autre phénomène. Je voudrais préciser ça maintenant. C'est qu'au milieu chrétien, il y a des choses. J'ai le cas, par exemple, hier. Que Dieu nous aide vraiment à nous tenir en garde par rapport à ces fausses prophéties. J'ai le cas d'une sœur, par exemple, dans une ville du pays qui a été accusée dans l'assemblée de sorcellerie consciente. C'est-à-dire qu'elle est consciente qu'elle fait de la sorcellerie. On lui a donné une semaine que si elle ne se repentait pas, on la chasserait. Et hier, on l'a chassée effectivement de l'Assemblée, malgré son refus catégorique d'appartenir à quelques cercles exotériques ou bien quelques cercles de sorcellerie. J'ai également des cas de personnes dans cette ville où nous parlons qui ont prophétisé sur des personnes en disant, vous voyez, pendant la réunion, quelqu'un se lève, je ne sais pas si c'est par le cœur ou c'est sous la puissance de l'esprit impur ou démoniaque, déclare à une autre personne que Dieu a vu son cœur, tu es aimé de Dieu, Dieu t'aime parce qu'il connaît ton cœur. Et deux jours après, ou bien une autre séance plus tard, à la même personne, on prophétise en disant, tu n'as jamais cru, tu es sorcier. Alors franchement, de telles personnes... Comment comprendre cette contradiction? Cette contradiction vient du fait que les gens ont voulu prophétiser par eux-mêmes. D'autres personnes sont sous l'influence de l'esprit démoniaque. Et pour ceux qui veulent prophétiser par leur cœur, comme la Bible le dit, qu'ils ont prophétisé les prophéties de leur cœur, les paroles de leur cœur. Ici, nous voyons très bien que lorsque nous allons développer par rapport aux serviteurs qui peuvent être sous l'influence, nous allons voir que beaucoup de personnes se trouvent dans un ministère qui n'est pas le leur. C'est-à-dire que, et c'est ce qui fait bon marché maintenant, nous sommes en décembre, la période des fêtes. Oui. Les prophéties vont pleuvoir dans les assemblées chrétiennes. C'est ce qui est pathétique, c'est-à-dire, vous allez entendre, les gens vont dire, c'est l'année du commencement, c'est l'année de gloire, Dieu va briller sur toi. Bien que la Bible dit que nous sommes à la fin des temps, il faut qu'on recherche des choses d'en haut. C'est-à-dire que dans les assemblées maintenant, et ce que j'ai remarqué, et les auditeurs vont comprendre ce que je suis en train de dire, c'est que vous allez voir quelqu'un qui initialement il est pasteur, ou bien initialement il est diacre, vous l'entendez qu'il a ouvert sa dénomination quelque part, il devient prophète. Pourquoi? Parce que les gens ont converti les prophètes maintenant, se sont convertis des marabouts à prophètes. Ça veut dire que les gens, ils comprenant que l'interdiction leur a été donnée d'aller chez les marabouts, quand ils viennent maintenant en Christ, en fait, ils ne sont même pas en Christ. Ils viennent au milieu de l'assemblée chercher les voies et moyens pour qu'on leur dise les bonnes nouvelles. Concernant cela maintenant, beaucoup de pasteurs sont déprimés parce qu'ils perdent des fidèles. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'aventurent sur un terrain qui n'est pas leur. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte dans le livre de Romains chapitre 2 que celui qui est attaché, appelé à un ministère, qui s'attache à son ministère, celui qui exerce le don de prophétie, le fait selon l'analogie de la foi. Et ne comprenant pas ça dans la stricte règle de la Bible, beaucoup de pasteurs sont jetés sur un terrain qui n'est pas leur. Voilà pourquoi on voit de ces dérives dans la Bible, dans notre jour aujourd'hui, où des gens commencent à prophétiser alors qu'ils n'ont pas le don de prophétie. Et en faisant ainsi, ils se créent des problèmes, ils créent des problèmes dans le corps de Christ, et beaucoup de problèmes, comme nous avons montré hier, beaucoup de choses dans le corps de Christ maintenant sont créées par la dislocation à cause des prophéties qui sont données à les assemblées. Je reste avec vous sur ce que vous expliquez notamment, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre et des faits aussi qui sont difficiles à expliquer. Est-ce que vous pouvez nous dire, évangéliste Elie, comment un chrétien néophyte peut remarquer que celui qui est en face de lui, bien que parlant au nom de Dieu ou de la part de Dieu, même s'il s'appuie sur la Bible, est un vrai ou faux prophète? En fait, Dieu a répondu à plusieurs endroits de la Bible à cette question. Oui. Voilà pourquoi hier je disais que toute personne qui se dit chrétien se doit de méditer, méditer la parole de Dieu afin de donner le pouvoir au Saint-Esprit de pouvoir utiliser ces paroles pour lui montrer que ces choses-ci n'est pas de Dieu. Oui. Alors, et remarquons que dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, le verset 23, la Bible dit que la désobéissance à sa parole est aussi coupable que la divination. Donc si nous ne prenons pas la parole de Dieu telle qu'il a donnée, nous sommes autant coupables que ceux qui pratiquent la divination. Maintenant, pour ce qui est, nous allons essayer d'établir comme ça, comme vous avez posé la question, il faut que le chrétien néophyte effectivement puisse détecter à vue d'œil. C'est-à-dire qu'à simple vue et avec ces remarques, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'étayer la différence entre un vrai et un faux prophète. Donc, je vais commencer comme ça par caractériser, par exemple, ce qu'on appelle un vrai prophète, c'est-à-dire un prophète selon la Bible. Maintenant, un vrai prophète de Dieu conduit toujours les gens dans la parole. Ceci est très important. Il conduit toujours les gens dans la parole. Il ne va jamais au-delà de la parole écrite. C'est-à-dire qu'il ne contredira jamais la parole du Seigneur. Si nous prenons par exemple un exemple dans la Bible pour que les gens en voient clairement. Allez-y, vous prenons êtes là pour cas, ça. Si, en fait, on va parler rapidement pour donner le temps aux auditeurs d'intervenir. Oh oui. Donc, si nous prenons le cas de Balaam dans le livre des Nombres, chapitre 22 et suivant, nous voyons très bien comment Balaam quitte, on le paye, et on va voir les conséquences de cela, paye pour qu'il vienne prophétiser sur Israël, pour maudire Israël. Or, initialement, Dieu a prophétisé sur Israël en disant béni soit celui qui te bénira et maudit soit celui qui te maudira. Alors si Balaam était connecté véritablement à Dieu, à la source, il saurait que on ne peut pas bénir ce que Dieu a maudit, on ne peut non plus maudire ce que Dieu a béni. La preuve, quand il a voulu bénir, maudire n'importe comment, le Saint-Esprit lui a donné la bénédiction parce que Dieu ne peut pas changer sa parole. C'est pour dire que quand quelqu'un est sous la puissance du Saint-Esprit, quand quelqu'un est dirigé, est prophète de Dieu, il ne peut pas contredire ce que la parole écrite a dit. Si on prend également maintenant le cas de Samuel, le prophète Samuel dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, là, le verset 19, la Bible déclare Samuel ne laissait pas tomber aucune parole de Dieu par terre. Donc ça veut dire que Samuel gardait la parole de Dieu dans sa totalité. On prend encore en similitude comme ça le cas de Miché, fils d'Endim, là, dans le livre de 1 Roi au chapitre 22, avec les prophètes théologiques qui sont sortis de l'école de prophètes qui étaient de l'autre côté, dans l'autre camp. Ceux-là prophétisaient qu'il faut que Akab monte à Ramoth en Galate avec Josaphat, ils auraient la victoire. S'ils avaient été au conseil de Dieu, s'ils avaient été prophètes vraiment de Dieu, ils sauraient que dans le chapitre 16 jusqu'au chapitre 18, Élie avait prophétisé initialement que c'est là-bas que Akab serait mort, mourra, et puis Jézabel sera, le sang de Jézabel serait versé sur le champ de Jézabel, là elle a versé le sang. Alors c'est pour dire ceci, la même source qui produit la parole chez un prophète donnera la même parole par rapport à la même situation la prochaine fois. C'est-à-dire que si un prophète prophétise quelque chose venant de Dieu, il quitte la scène, un autre prophète, par rapport à cette situation-là, prophétisera la même chose. Si quelqu'un dit quelque chose de contradictoire, c'est là le signe que Dieu n'est pas avec lui. Donc, c'est pour cela qu'il dit, un vrai prophète guidera les gens dans la parole et ne contredira jamais la parole écrite. Il parle quand Dieu lui commande de parler. Il parle quand Dieu lui commande de parler. Et Jésus est un type même de prophète. On l'appelle fils de l'homme. Il dit, le fils de l'homme ne peut rien faire sans avoir que sans préalable que le Père lui ait montré. Dans Amos chapitre 3, par exemple, le verset 8, la Bible déclare que si le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétisera, vous pouvez lire pour nos auditeurs Amos, ces écritures. Hein, oui, Amos. Le temps de comprendre que vous appuyez sur la Bible. Oui, dans Amos chapitre 3, le livre des prophètes Amos. Amos chapitre 3, le verset 8. Les auditeurs peuvent prendre également à la maison pour suivre. Chapitre 3, le verset 8 dit, le lion rugit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. C'est pour dire, les vrais prophètes de Dieu, comme il le dit au verset 7 là-bas, que car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que ces prophètes-là, Dieu leur donne des avertissements, leur donne des messages, ils doivent parler uniquement quand Dieu a ordonné qu'ils en parlent. Les prophètes de Dieu, ils ne sont pas orgueilleux ni extravagants. Il n'est pas dirigé par un conseil d'homme ou d'un président du conseil paroissial qu'il nomme et dénomme à sa guise. Par exemple, prenez le cas de Jean-Baptiste, si vous le voulez également. Oui. Dans Matthieu chapitre 11, lisons ce que le Seigneur dit de Jean-Baptiste. C'est un cas typique de ce qu'un vrai prophète de Dieu qui est hors des administrations, hors de conseil, ne peut pas être arrêté par un conseil d'homme. Quand il parle de conseil, ça veut dire que le comité des gens qui ont élu domicile, chez qui le prophète a élu domicile pour servir à leur guise, servir à leur cause. Quand on parle des prophètes de l'Éternel, ils servent l'Éternel. Voilà pourquoi ils sont sous la direction du Seigneur seulement. Donc dans Matthieu chapitre 11, les versets 7 à 9, je vais lire Matthieu chapitre 11, les versets 7 à 9. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Maintenant, verset 9 dit, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Donc, il donne les caractéristiques de Jean-Baptiste. Il veut dire ceci. Si on prend dans l'Ancien Testament, on va encore voir ces mêmes caractéristiques. Michée, fils d'Enjim, là, est en aparté. Élisée et Élie sont en aparté, alors que les autres prophètes sont entièrement au service d'une communauté qui leur donne de la nourriture, des choses luxueuses, des choses de la vie, de l'orgueil de la vie. Et ils s'en débarrassent particulièrement par rapport à la parole de Dieu, voulant dire ce que le roi peut entendre ou bien aimerait entendre. Voilà pourquoi Jean-Baptiste n'avait pas été aimé par de ce roi qui était sur place, Hérode, particulièrement qui avait pris la femme de son frère. Donc il venait dénoncer. Pourtant, en présence de Jean-Baptiste, il y avait des sacrificateurs. Donc voilà pourquoi il dit que le vrai prophète n'est pas dirigé par un conseil d'homme ou d'un président de conseil parasol qui nomme ou dénomme à sa guise. Mais dans le prophète également, il connaît que la prophétie ne manque pas de lui. Alors il est humble. Alors ici, il faut vraiment qu'on explique cela. Allez-y, on veut comprendre cette humilité. Voilà. Donc l'humilité, c'est ceci. Ce que nous remarquons maintenant aussi sur la scène religieuse aujourd'hui, c'est que les prophètes ce qu'on appelle prophète de Jésus, si on a on est à l'écoute du Saint-Esprit, on verra très bien que ces prophètes-là prophétisent par un autre esprit pour amener les gens à sa gloire. Voilà pourquoi vous voyez très bien aujourd'hui les gens sont attachés à une dénomination parce qu'il y a un tel prophète là-bas. Ils ne vont pas parce qu'il y a la parole de Dieu, ni parce que Dieu parle là-bas, et par crainte de Dieu, ils vont pour écouter la parole de Dieu. Ils vont parce qu'on va prophétiser des choses qui sont agréables à leurs oreilles. C'est-à-dire que, lesquelles par exemple? Par exemple, sur le matériel, comme on va toucher, maintenant on va toucher en profondeur. Allez. Mais ce qu'il veut dire, c'est que les pasteurs, les prophètes de Dieu sont humbles, comme le cas de Daniel dans Daniel chapitre 2. Mais aujourd'hui, les prophètes prophétisent par un autre esprit. C'est cela, ça se montre lorsque les gens viennent vers eux. Ils reçoivent l'adoration qui est réservée à Dieu. Et nulle part dans la Bible, si vous étudiez la vie des prophètes depuis Abraham. Vous allez nous parler de la vie de ces prophètes. Ok, à tout à l'heure. Donc, lisons Daniel au chapitre 2. Daniel au chapitre 2 et voyons ce que Daniel dit. Daniel au chapitre 2, le verset 30. Souvenez-vous, on a lu ces versets hier où Nebuchadnezzar a eu un songe et il a appelé les mages, oui, les astrologues de donner l'interprétation. En fait, Nebuchadnezzar avait oublié le songe. Il voulait donc qu'on lui donne le songe, la signification. D'abord, ce qu'il a rêvé. Qu'on le lui rappelle et qu'on lui donne la signification. Et personne n'avait pu faire. Maintenant, au verset 20 et 22, les magiciens et les astrologues ont dit ce que nous avons dit ici. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, ce que tu vous demandes là est, aucun autre roi sur la terre n'a jamais exigé ça des astrologues, parce que celui qui peut faire de telles choses n'habite pas au milieu des hommes. Mais ils oubliaient qu'il y avait un Jéhovah qui révélait les secrets. Maintenant, au verset 30, donc, après la révélation, parce que Daniel a été appelé, Daniel a écouté l'ascension du roi, parce qu'il avait demandé qu'on tue tous les sages, y compris Daniel. Alors, Daniel a demandé un peu de temps pour aller intercéder auprès de Dieu. Oui. Et après cette intercession, Dieu a révélé le secret à Daniel. C'est ici dans le point. Au verset 30 maintenant, la Bible déclare, c'est Daniel qui parle, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Daniel reconnaît par humilité ici, ce n'est ni sa prophétie, ni parce qu'il est quelque chose que Dieu est passé par lui pour lui donner, mais il veut dire tout simplement que c'est afin que Dieu passe pour montrer quel est le cœur de ceci. Mais aujourd'hui, nous voyons très bien dans sur le paysage religieux, comme j'ai parlé tout à l'heure, des gens qui prophétisent imposent aux gens de croire à ces prophéties. Et par la suite, ils font venir les gens vers eux en disant, n'oublie pas ma prophétie, n'oublie pas ce qui était dit. En fait, pour pousser les gens, comme je l'ai dit la dernière fois, en disant que si tu crois, tu es connecté justement à cette source-là et ça peut faire accomplir des choses qui ont été dites sur toi, même négativement. Donc, les vrais prophètes de Dieu donc, sont donc humbles. Ils ne prophétisent pas pour les motifs impurs, par acception de personnes ou pour un gain sordide. Ils ne prophétisent pas pour de l'argent. On va voir ça dans les détails. Il est hors de tout système religieux et organisation humaine. Donc, on ne peut pas le prendre. Prenez le cas de n'importe quel prophète. Prophète, vous allez voir dans la Bible qu'ils étaient toujours à part. Ils étaient toujours à part. Ils aiment la nature. Il est généralement inconnu et méprisé du grand public. Il aime la nature et la solitude. Il se retire à part. La majorité de ses prophètes se retirait dans les déserts, dans les places secrètes pour pouvoir entrer en contact avec leur divin créateur. Il donne la parole avec exactitude et précision, puisqu'il sait le Dieu des précisions. Donc voici encore un autre point pour reconnaître le vrai prophète. Un vrai prophète ne se tiendra pas dans l'assemblée en disant que je vois quelqu'un ici qui peut donner 3 millions. Non, c'est pas comme ça. Un vrai prophète de Dieu ne dira pas que il me semble que quelqu'un a tel problème ici. Non. Un vrai prophète de Dieu, si vous lisez 1 Samuel chapitre 9, chapitre 10, il donne avec précision. Tu rencontreras le groupe de prophètes. Tu rencontreras deux personnes tenant trois pains en main, il te donneront deux. Il donne la précision. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi par le Seigneur montre l'infaillibilité de la parole sous laquelle ils se trouvent. En fait, on les appelle porte-parole de l'Éternel. Et oui, la parole de Dieu ne peut pas faillir et Dieu ne peut pas dire quelque chose. Si Dieu prophétise sur quelqu'un en disant tu rencontreras quelqu'un avec la Bible bleue, si cette personne porte la Bible rouge, Dieu, la personne, non, c'est pas Dieu qui a parlé, c'est un autre esprit. Et Satan fait les erreurs et il fera toujours les erreurs. Donc voilà pour quelques caractéristiques, ces 12 caractéristiques des prophètes, des vrais prophètes de Dieu. Qu'en est-il maintenant du côté opposé des faux prophètes, puisque il s'agit de l'un ou de l'autre, vous le disiez, l'ivraie qui grandit avec le blé. Dites-nous donc, quelles sont ces caractéristiques de l'un et de l'autre? Okay. Un auditeur vous a posé la question hier. Oui. Comment reconnaître un faux prophète ou un divin? Et je pense bien que la question également est bien d'être posée. Donc pour ce qui est d'un faux prophète, commençons par lui. En fait, la première caractéristique, c'est qu'ils sont faillibles. C'est ce que Dieu nous promet dans sa parole. Lisons, si vous avez le temps. Lisons dans la Bible, on va lire quelques passages dans le livre d'Ésaïe. Prenons Ésaïe au chapitre 47. Ésaïe chapitre 47, le verset 3. Oui. Chapitre 47 de Ésaïe, le verset 3, la Bible déclare: ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. C'est ce que Dieu dit. Maintenant, au chapitre 44, il dit: ta nudité sera mise en exergue. Alors, chapitre 44, le verset 25 et 26. Le verset 25 et 26 du chapitre 44 du livre d'Ésaïe. La Bible déclare: j'anéantis les signes des prophètes des mensonges. C'est Dieu qui promet. Dieu promet qu'il va anéantir les signes. Ils vont prophétiser, ça ne marchera pas. Et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les saints et je tourne leur science en folie. Et je confirme la parole de mon serviteur. Tout à l'heure, nous avons dit que la caractéristique des serviteurs de Dieu, c'est que des prophètes de Dieu, c'est que Dieu confirme, c'est l'exactitude de la chose. Il dit: et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda. Donc, au verset 25, là-bas, il dit: il a anéanti les signes des prophètes. C'est Dieu qui nous a donné. Maintenant, lisons également le chapitre 8. Chapitre 8, ça veut dire que c'est une promesse que Dieu nous dit qu'il va anéantir des signes. Ça veut dire que, quelles que soient les prophéties que quelqu'un fait, n'étant pas de Dieu, Dieu va s'atteler à ce que ça ne s'accomplit pas. Nous pouvons également voir cela en exemple, si vous permettez. Allez-y, dans vous êtes de 1 Roi au chapitre 17 et chapitre 18, lorsque nous voyons la démonstration, la confrontation de la puissance de Dieu sur le mont Carmel, nous voyons très bien que les prophètes de Baal et d'Astarté qui sont réunis sur le mont pour s'opposer à Élie font quelque chose. Ils faisaient de l'offrande et Dieu dit, Élie les a lancés un défi. Le Dieu qui répondra par le feu sera l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont aventurés à faire l'offrande et ils criaient fort. Ils criaient fort. Et Élie se moquant de dit: peut-être votre Baal d'or. En fait, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est que si ces personnes n'avaient pas confiance en leur puissance spirituelle, ils ne s'aventuraient pas là-bas. Si c'était dans le faux, je veux dire, s'ils n'avaient pas souvent des manifestations physiques, spirituelles, physiques et palpables, ils ne s'aventuraient pas. C'est parce que au préalable, ils avaient eu toujours des manifestations physiques. Dans le cas de Pharaon, on peut voir comment il lance son bâton et le bâton se transforme effectivement en serpent. Ils peuvent changer effectivement l'eau en sang. Ça veut dire qu'ils ont effectivement une puissance. Et il faut dire aux gens que quand Satan a péché dans le ciel, Dieu l'a chassé, Dieu n'a pas dépouillé Satan de sa puissance. Parce que Dieu ne se répond pas des dons et ses appels. Quand il a donné à Satan cette puissance depuis la création, il l'a laissé avec la puissance, sachant qu'il est à la toute puissance. Voilà pourquoi Satan peut donc, par ses enchantements, pervertir la création de Dieu par cette puissance que Dieu lui avait donnée à la création. Donc, quand Élie dit au prophète de Baal: manifestez votre force pour qu'on voie votre Dieu, c'est parce que Dieu avait lié comme la promesse qui a été faite d'ici là. Si Dieu n'était pas assez puissant pour lier le Dieu de Baal, le feu serait descendu. Dieu voulait montrer par confrontation que leur Dieu qui sert, c'est un Dieu qui est mort. Donc, lisons, c'est vraiment merveilleux que les autorités comprennent que notre Dieu va toujours démasquer et faire voir à ses enfants les véritables faux prophètes. C'était une parenthèse avant de poursuivre, évangéliste, mais cette écriture dont vous faites référence révèle un peu autre chose. On voit les prophètes de Baal, ils sont près de 400, mais Élie est seul. Il est seul. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, voilà pourquoi je dis dans ces caractéristiques des prophètes véritables de l'Éternel, c'est pour dire qu'ils sont rares. Les véritables prophètes de l'Éternel sont rares. Et il faut aussi souligner autre chose. Il faut de la grâce spéciale de Dieu pour reconnaître un vrai prophète de Dieu. Parce qu'ils sont méprisés. Les prophètes de Dieu, véritablement, sont généralement rejetés par la grande majorité. Particulièrement par les gens qui sont dans le système religieux. Si un vrai prophète de Dieu vient, et remarquez que j'ai dit que les prophètes de Dieu viennent pour chaque fois que les hommes ont péché devant Dieu. Si vous lisez Juges chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, la Bible déclare qu'Israël péchait et Dieu les livrait entre les mains des Philistins. Ils criaient à l'Éternel. L'Éternel les suscitait des prophètes pour les faire ramener à la parole. C'est la même chose que Élie dit dans un roi, chapitre 18, le verset 18 également, où Élie dit: jusqu'à quand clocherez-vous à droite? Si Baal est Dieu, allez vers lui. Si c'est Dieu, retournez à Dieu. Donc c'est pour dire que chaque fois que Dieu suscitait un vrai prophète, il les a fait toujours retourner à la parole. Voilà pourquoi donc les gens haïssent de telles personnes, parce qu'il dit toujours ce que la grande majorité des personnes ne s'attendraient pas à ce qu'on entende. Donc dans cet exemple de Mont Carmel, on voit clairement que le petit nombre est du côté de Dieu et le grand nombre est du côté de Dieu. Et pour montrer également que les faux prophètes sont en grand nombre rapport aux véritables serviteurs de Dieu qui sont les prophètes. Mais il y a une promesse que Dieu a donnée, comme j'ai dit, par rapport aux faux prophètes. Dans Ésaïe chapitre 8, le verset 19, la Bible déclare: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez: un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est pour dire clairement qu'il faut qu'on discerne que c'est la voie de la perdition. Donc, les caractéristiques premières d'un faux prophète, c'est l'infaillibilité. Maintenant, pour qu'on puisse voir ces caractéristiques, c'est vrai que de façon palpable, on ne peut pas regarder quelqu'un avec la faillibilité et ou l'infaillibilité. Je voulais parler de la faillibilité, pardon. Donc, la faillibilité par rapport à ces faux prophètes. Maintenant, pour que quelqu'un puisse regarder la faillibilité, il faut qu'il étudie, par exemple, les paroles que celui-là a déjà données pour voir si ça a été faillible ou pas. Comment? Maintenant, ça veut dire que en écoutant, quand les gens assistent à des réunions, si les gens lisent les écritures, franchement, oui, avec des choses que, voici par exemple, nous avons dit tout à l'heure, voici la fin de l'année, les gens ont prophétisé des choses, vont prophétiser des choses. L'année dernière, ils ont prophétisé des choses. Alors maintenant, si on ne voit pas ces choses s'accomplir, il faut qu'on comprenne que cette personne est un faux prophète. Parce qu'à cause, si Dieu avait prophétisé quelque chose par rapport à l'année, ça s'accomplirait comme il a dit. Si Dieu dit au milieu de l'année. Je prends un exemple. Dans une réunion que j'ai dirigée, il y avait une sœur qui avait l'esprit de prophétie, effectivement. Elle prophétisait que tel c'est ton mari, tel c'est ta femme. Mais je savais que, par révélation, que c'était sous une puissance satanique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié le Seigneur pour me donner la grâce de diriger cette sœur vers la vérité. Parce que l'une des choses qu'on fait, c'est beaucoup de personnes peuvent être sincèrement dans le mensonge ou bien être induites en erreur depuis leur naissance sans s'en rendre compte. Venant en Christ avec la connaissance de l'Écriture, on hérite de cet esprit-là et on commence à prophétiser dans la vie des gens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette sœur-là prophétisait. J'ai remarqué, et beaucoup de personnes, ça créait beaucoup de désordre dans l'assemblée, mais j'ai demandé la grâce au Seigneur, comment diriger? Alors, le Seigneur a dévoilé. Alors, si on voit de telles personnes, on ne redresse pas avec amour ou bien avec la sagesse du Saint-Esprit, on va créer beaucoup plus de gaffes que la personne elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu jusqu'à ce qu'elle remarque la faillibilité de ce qu'elle a dit. Lorsque quelqu'un prononce ainsi par le Seigneur, va à tel jour, tu vas rencontrer telle personne, et subitement à ces jours-là, la personne n'est pas là-bas, ce n'est pas de Dieu, parce que Dieu saurait que cette personne ne serait pas là. Alors on commence à attirer l'attention. Remarque bien, si tu as ton cahier des prophéties, s'il y a des choses qui ont été dites, qui ne sont pas accomplies, tu es sincère envers toi-même. Dit ce qui s'est accompli, ce qui n'est pas accompli. Alors, en appelant la personne avec amour, la restant avec amour, elle s'est rendue compte que son cahier des prophéties, la grande majorité des choses qu'elle recevait ne s'accomplissait pas. J'ai dit, alors maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Maintenant, est-ce que Dieu peut-il être faillible? Elle a dit, elle a déclaré non. Et à partir de là, sa délivrance a commencé. Parce que plusieurs personnes veulent dire, en leur donnant cela avec répulsion, on va voir que les gens vont se rétracter ou bien quitter le milieu pour aller quelque part, continuer le désastre. Satan va continuer à les utiliser. Alors, par révélation, on a su que cette femme-là avait eu des rapports sexuels avec un marabout dès sa jeunesse. Et cet esprit habitait en elle. Et elle a été chassée. Donc, depuis 15 ans, elle habitait ainsi. Et passant dans des milieux religieux, on n'a jamais détecté cela. On prenait pour content. Donc c'était simplement de la divination. C'est de la divination au milieu chrétien, mais en utilisant ainsi par le Seigneur. Souvenons-nous que dans le livre de Jérémie au chapitre 23, le prophète Ananias, le faux prophète Ananias, prophétisait en disant ainsi par l'Éternel. Avec ce compte, tu frapperas à Babylone. Oui. Et Jérémie également disant ainsi par l'Éternel. Quelle confusion au milieu chrétien quand quelqu'un s'élève. Est-ce que Dieu parle pour confondre, pour apporter la confusion? Absolument pas. Hier, on a vu également que quand Dieu parle, c'est pour retourner le cœur à lui. Alors Jérémie avait ainsi par le Seigneur et il a dit à Ananias, sache que après, avant toi et moi, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé. Donc, si un prophète prophétise la guerre, la famine et la paix, c'est par l'accomplissement qu'on saura qu'il était prophète. Et la Bible déclare clairement que Ananias est mort cette année, comme le Jérémie avait dit. Et Jérusalem a été amené captif. Les habitants de Jérusalem et de Juda ont été amenés captifs par Nebuchadnezzar, comme Jérémie avait dit. Donc, pour ce qui est des caractéristiques des faux prophètes, il faut vraiment, vraiment, et j'encourage les gens, les enfants de Dieu, à lire la Bible et surtout, et demeurer sous la puissance du Saint-Esprit. Vous restez sur ces caractéristiques. Permettez-moi un peu, oui, une préoccupation qui me vient à l'esprit. Vous parlez de la faillibilité. Oui. Lorsque quelqu'un déclare, évangéliste, vous êtes en train de le dire, lorsque quelqu'un déclare dans une réunion que Dieu a dit que 10 personnes doivent venir donner 10 000 pour une certaine somme, oui, pour faire telle œuvre, et 14 personnes viennent. Dans ce cas, qui parle encore? Et remarque, en fait, j'ai assisté à de tels scénarios. C'est bien que vous relevez de telles choses. Ce sont des voleurs. Je les nomme les voleurs. Il ne faut pas cacher des choses. Ce sont des voleurs. Si un pasteur m'écoute et qu'il fait de telles choses, il faut qu'il se répande. Si un frère m'écoute maintenant et qu'il a donné de cet argent, parce que j'ai vu des gens, ce sont des voleurs, donc ils dépouillent des familles. Alors maintenant, comment quelqu'un peut dire 10 personnes? Est-ce que l'Esprit de Dieu se trompe? L'Esprit de Dieu ne peut pas se tromper. En plus, si c'était l'Esprit de Dieu, il dirait non, c'est 10 personnes. Et en fait, il peut désigner les 10 personnes de façon distincte, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui lui a montré. En plus, je voudrais faire quelque chose. J'en ai vu des tas de choses. Des gens qui vivent dans le péché, on dit, on prophétise dans sa vie, donne 3 millions. Et les gens partent s'endetter. J'ai rencontré des femmes qui pleuraient parce qu'elles ont vendu leur mamie, vendu des lits, jusqu'à ce que le mariage se sépare, était en dislocation. Par la grâce de Dieu, nous avons pu entrer là-bas et les conseiller. Parce que le mari, allant au travail, rentre, la femme a vendu la maison, vendu les ustensiles pour aller donner à des sacrifices. Et curieusement, on dit qu'on va brûler écrire tous tes problèmes sur le papier. On va les brûler au Mont Cameroun. Donc Dieu se trouve au Mont Cameroun. C'est le chat de Dieu dont nous parlons hier à Fako. Donc il faut que les gens se repentent. Quand quelqu'un dit dans une assemblée, déjà, en fait, avant d'arriver au niveau du nombre de personnes, oui, dans la Bible, La Bible déclare dans Luc 2 Pierre chapitre 1 qu'aucune prophétie ne peut faire l'objet d'interprétation particulière concernant la prophétie biblique. On ne peut pas interpréter autrement. Et par la suite, la Bible dit car les hommes n'ont pas parlé par eux-mêmes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit parlera-t-il pour la gloire des hommes? Comment le Saint-Esprit parlera-t-il pour les choses terrestres? Or, Jésus a dit le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Donc, quand le Saint-Esprit parle par prophétie, c'est pour. Et dans le 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4, si vous permettez, je vais lire. Allez-y. 1 Corinthiens chapitre 14. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide vraiment en ces temps de la fin où l'apostasie a pris toutes les assemblées en majorité chez les pentecôtistes. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4 dit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Et au verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Verset 3 maintenant, c'est important. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, 1. Les exhorte, 2. Les console, 3. Maintenant, je ne pense pas qu'il y a consolation lorsqu'on vient dépouiller les gens. Quelqu'un vit dans la pauvreté, on dit il va prêter. Les gens vont dans des réunions, ils vont prêter de l'argent dans les réunions pour venir donner en voulant accomplir les prophéties dans leur vie. Et chaque fois, ces gens ne réfléchissent pas que rien n'arrive et ils continuent à le faire. Donc, voilà les signes. Et comme on va voir dans la suite, l'une des caractéristiques les plus grosses. Allez-y. Ok, donc pour ces faux prophètes-là, il y a donc, j'ai cité d'abord le caractère faillible de leurs paroles. Oui. Parce que Dieu, d'après ce qu'on a lu là-bas, Dieu a dit, et même dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, verset 1 à 5, Dieu a même prophétisé également. En Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5, en disant que si s'élève quelqu'un au milieu de toi et qui prophétise en disant allons vers d'autres dieux, c'est-à-dire qu'il prêche pour le Dieu du monde, en disant c'est moi le Seigneur Dieu de gloire qui vous éprouve comme ça. Donc Dieu permet donc que les faux prophètes soient là pour nous éprouver afin de savoir si nous demeurons dans sa parole. Donc c'est un signe également que nous demeurons dans la parole, oui ou non, en connaissant un faux prophète. Donc ces faux prophètes-là détournent les gens de la parole. Dans Actes chapitre 13, lisons ça, c'est très important que les auditeurs écoutent ce soir. Allez. Dans Actes chapitre 13, nous allons lire ça hier, mais on va lire les caractéristiques maintenant. Dans Actes chapitre 13, lisons les versets 9 et 10. Les versets 9 et 10. Si nous prenons à partir du verset 4, c'est l'histoire de Barnabas et Saul qui rencontrent Elimas. À partir du verset 4 jusqu'au verset 10, la Bible déclare « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. » Et de là, ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvaient un certain magicien. C'est important. Ils trouvaient un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. On a comme impression que sur le terrain, le faux est toujours avant le vrai. Un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Il s'appelait fils de Jésus pour séduire encore les gens. Qui était avec le proconsul Sergius Paulo. Voici encore le signe. Remarquez très bien. Il avait le proconsul pour montrer très bien que les faux prophètes aiment trop les positions. Vous allez entendre des telles personnes dire toujours que je suis ami avec le délégué. Le président, j'ai son contact. Je suis ami avec le président du conseil d'administration de telle société. Je suis, en fait, parce qu'ils veulent des relations. Il dit, la Bible déclare que l'homme qui était avec le proconsul Sergius Paulo, au verset 7, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que son nom signifie, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Voilà pourquoi j'ai dit, chaque faux prophète cherche à détourner les gens, malgré les paroles qu'il va donner, malgré les chimères qu'il va opérer, malgré son acte de magicien pour détourner. Alors, la Bible déclare, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse. Donc, ce sont les caractéristiques que le Saint-Esprit donne comme ça à ces personnes. Donc, les faux prophètes sont pleins de ruses et de fraudes. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Donc, voilà les caractéristiques même que le Saint-Esprit met là-bas. La fraude, la ruse, la perversion de la voie de Dieu. En fait, il aime les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire le matériel, comme par exemple le proconsul. Les faux prophètes étaient à côté d'Akab parce qu'Akab leur donnait de la nourriture. Maintenant, si on prend également le cas de la cupidité, donc le caractéristique principal, c'est la cupidité. Donc, dans une conversation, on peut détecter, il parlera des bénédictions qu'il donne ou qu'il a reçues. Il parlera, par exemple, chez moi, et j'ai entendu des choses ici, même dans cette ville. Il y a des prophètes qui disent de façon spéciale qu'ils prient pour chacune des personnes, la personne a le visa. Je ne sais pas si son Jésus est ambassadeur du Cameroun dans un des pays étrangers. Donc, il prie pour les gens ont des visas, le mariage c'est là-bas, les terrains, l'argent et autres, le voyage. Si tu veux voyager, viens. Beaucoup de personnes courent maintenant là-bas parce qu'ils veulent se marier. D'autres viennent avec les blancs qui sont sur Internet, pasteurs, prophètes, les blancs sur Internet, ils prophétisent sur ton mari. Bien que la Bible dit clairement que le chrétien doit parler avec les non-chrétiens. Donc, ces gens, personnes, je vais dire, par cupidité, ils aiment les gens pour les motifs matériels et leur conversation est caractérisée par des choses de la terre. Et c'est évident, j'aimerais remonter quelque chose dans la Bible également. Dans le livre des Philippiens, Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul nous dit quelque chose. Regardez bien à partir du verset 18. La Bible déclare car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition. La Bible déclare qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, les caractéristiques. Vous remarquerez dans la Bible, quand les prophètes viennent, ils prophétisent. La Bible déclare là-bas pour consoler, pour édifier et pour amener les gens à Dieu. Donc, les prophètes de Baal qu'on a aujourd'hui, les prophètes modernes, avec la Bible en main, ils parlent de la façon des hommes. Et comme on va voir dans le livre de 1 Jean chapitre 4 maintenant, ces gens-là parlent toujours de l'argent, des terrains, des maisons, des voitures, des mariages, des visas et autres. Là. Donc, je donne comme ça aux auditeurs les caractéristiques. Donc, si vous entrez quelque part à partir de maintenant, vous entendez quelqu'un parle toujours, ta voiture arrive, attends-toi maintenant, amen, lève-toi et prends par la foi ton mariage. Il faut sortir de là parce que c'est un faux prophète. Donc, parce que la Bible déclare que les vrais prophètes ramènent les gens vers la parole. Et la, dans ce verset 20 du chapitre 3 des Philippiens, la Bible déclare que mais nous, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et il appuie cela dans le livre de Colossiens, chapitre 1, il dit maintenant, si vous êtes ressuscité avec Christ. Si vous êtes resté avec Christ, recherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc toute prédication, toute prophétie qui tend à rattacher les gens aux choses de la terre vient forcément des faux prophètes et par conséquent de Satan. Prenons également le livre de 1 Jean au chapitre 4. Allez-y. 1 Jean chapitre 4. Pour voir les caractéristiques là-bas. Déjà hier, nous avons eu à effleurer cela. Maintenant, on peut entrer donc en profondeur. Oui, vous avez promis d'expliquer cela aujourd'hui. Voilà. Maintenant, regardons bien. Avant de lire 1 Jean chapitre 4, puisque nous sommes dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, déjà, explique quelque chose. Au verset 15, le chapitre 2, il sait que les gens maintenant modernes n'aiment pas ceci. Mais maintenant, on va lire. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et la volonté de Dieu est clairement écrite dans la parole. Mais maintenant, si nous faisons la transition, maintenant nous allons au chapitre 4. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, donc ça dit que ces esprits viennent pour parler au travers des faux prophètes, sont venus dans le monde. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. J'aimerais bien qu'on s'attelle sur ces versets pour bien expliquer cela. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19, à partir du verset 13, où on parle de ces sept fils de Sceva, qui ont vu comment l'apôtre Paul délivrait les gens. Ils ont commencé également à vouloir délivrer. Pourtant, ils n'étaient pas en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont voulu chasser ces démons en disant, nous te conjurons de sortir au nom de Jésus et de que Paul prêche. Alors, c'est pour dire que quelqu'un peut bien prononcer le nom de Jésus, parler de la parole de Dieu, mais ce n'est pas de cette confession dont la Bible parle. La Bible dit qu'il faut qu'on suive quelqu'un jusqu'à la fin, parce que les satanistes, les faux prophètes dévieront toujours, parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire, que lorsqu'on bâtit ses corps, c'est juste la pierre angulaire, et ils vont se heurter. Donc la Bible dit ici au verset 3, donc, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue, et qui est maintenant déjà dans le monde. L'apôtre Paul écrit ici, plusieurs années, c'est-à-dire en 95, après Jésus. Donc maintenant nous sommes en plus de 2000 ans plus tard. Donc s'ils avaient été là déjà dans le monde, comme ils peuvent résumer, maintenant ils sont bien développés et tissés dans la société. Maintenant verset 5 maintenant, il dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Voilà donc le signe parfait. Dans le chapitre 2, verset 15, il dit, n'aimez point le monde. Voilà pourquoi il dit, quand quelqu'un prophétise par rapport au terrain, par rapport à la voiture, par rapport à ceci, sans s'atteler, il y a des gens que j'ai rencontrés qui n'ont même pas accepté Jésus-Christ. Quand ils viennent, on s'intéresse à leur voiture. Beaucoup de ces personnes là-bas intègrent les gens dans leur groupe par motif, parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui travaille dans des hautes sociétés, les cadres des sociétés, on les donne des titres des anciens, alors qu'ils ne sont pas régénérés ni convertis. Alors il dit, il parle d'après le monde. Voilà pourquoi il faut qu'on regarde bien leurs paroles. Comment on parle d'après le monde? Quand il parle d'après le monde, j'avais dit tout à l'heure là que ceux-là prophétisent sur les choses matérielles. Même leurs prédications, vous pouvez regarder leurs prédications. L'essentiel de leurs prédications seront sur les offrandes, les dîmes, les sacrifices d'oiseaux, le sacrifice des gédons. J'en ai vu également des gens qui ont, on leur a demandé d'adonner les sacrifices d'oiseaux. Donc, ces sacrifices-là, à chaque fois qu'il prêche, il dit il faut donner la parole. Certains d'entre eux, ils disent il faut donner l'onction, quoi, l'offrande pour l'offrande de la prophétie. On ne vient pas chez le prophète les mêmes vides. Je ne sais pas quel verset biblique il va prendre cela. Donc c'est la cupidité, frère, c'est la cupidité, ami auditeur, qui caractérise ces faux prophètes. Et il faut dénoncer cela avec toute énergie. Alors il parle d'après le monde. Il dit eux, ils sont du monde. Et c'est normal, il faut qu'on se comprenne. Les gens, le Saint-Esprit vient du haut. Et j'aimerais bien m'asseoir ici pour expliquer quelque chose aux gens. Nous sommes dans cette bataille que l'humanité est en train de livrer dans le camp, dans les deux camps, il y a Dieu, il y a Satan. Nous avons trois choses au devant de nous. Il y a notre chair, il y a le monde, il y a le diable, qui sont nos ennemis. Notre chair, le monde et le diable. Et en contrepartie, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons notre volonté et nous avons l'espérance céleste. Ça veut dire qu'à l'instant, la chair va toujours attacher aux choses du monde. Le Saint-Esprit va nous révéler seulement l'espérance céleste qui est en Christ. Voilà pourquoi si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit par révélation, il va recevoir les choses célestes. Le Saint-Esprit va toujours guider les gens vers Jésus, vers la parole. Alors que ceux qui sont du monde, comme on l'a dit ici, quand ils viennent vers nous, ils vont nous parler des choses terrestres. Ils vont nous attacher aux choses terrestres. Comme l'apôtre Paul dit dans ses Philippiens au chapitre 3, le verset 19, il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, c'est très important. Et la Bible déclare que ceux qui sont du monde les écoutent. Maintenant, verset 6, il dit, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu, voilà le problème, nous écoute. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas. Et en fait, c'est une prophétie que la grande majorité doivent suivre aujourd'hui. Puisque dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 4, il dit clairement que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons et à des exercices séducteurs. Donc, beaucoup de personnes vont vouloir écouter les fables. Et Dieu le sait. Voilà pourquoi vous allez voir dans tes pères, les personnes vont bien écouter ceci, ne vous rend pas lire la parole de Dieu, vont dire c'est tel, mon prophète c'est tel, même si ça n'arrive pas, il ne se pose pas la question sous quelle source celui-là me connecte. Donc il faut qu'on vérifie. Le verset 6, la dernière partie dit quoi? C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Donc Dieu nous dit clairement, il faut qu'on discerne les paroles qui sortent de leur bouche, leur façon de vivre, leur prédication. Ils vont parler d'après le monde et ceux qui sont du monde vont les écouter, mais nous qui sommes de la vérité, Jésus avait dit dans Jean chapitre 17 verset 17, il dit Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, si quelqu'un a l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, il parlera d'après la parole de Dieu. Il ne consacrera pas les gens en cette fin de temps, en cette fin, la dernière époque où nous sommes en train de vivre les dernières heures de cette terre-ci, encore l'énergie en concentrant les gens sur les choses de la terre. Alors, le faux prophète également, si vous voulez que je continue, il est également inconsistant dans la parole. C'est-à-dire qu'il sort un verset de son contexte et puis il va toujours appliquer aux offrandes et à de l'argent. Quel que soit ce qu'il va faire, sa prédication tournera autour du matériel. C'est ce que Dieu a promis. L'essentiel de sa prédication se reposera donc dans les choses terrestres, ce qui est normal, puisqu'il sait le prince de ce monde. Le prince de ce monde connaît les choses de ce monde. Chacun doit dire ce qu'il connaît. Satan peut dire les choses de ce monde parce qu'il connaît ce monde. Il est le prince de ce monde. Si quelqu'un prêche de la part de Dieu, le Saint-Esprit connaît les choses d'en haut. Il va dire les choses d'en haut. Donc, lisons par exemple 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 2. On va voir les caractéristiques également là-bas clairement. Ça veut dire que je vous ai dit au départ que Dieu nous a répondu à ces questions-là dans la Bible à plusieurs endroits. Allez-y. Maintenant, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, il est écrit, « Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » La Bible déclare, voici encore le verset 2, qui est une prophétie pour notre époque. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. C'est-à-dire que maintenant qu'on s'en est parlé, les gens vont écouter, ils vont toujours aller vers eux. Pourquoi? Parce que c'est la prophétie de Dieu. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, à cause des faux prophètes, à cause des faux prophètes. Maintenant, verset 3, écoutez comment ça commence. Par cupidité. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Vous voyez tout ce que le Saint-Esprit a démontré là. Ça veut dire que leur prédication, c'est un tissu de tromperie. L'objectif qui se cache derrière, c'est de l'argent. Allons-y, gardons le doigt là-bas, rentrons dans le livre des Actes des Apôtres pour voir clairement à chaque endroit où un devin montant dans la Bible ou bien un exemple de faux prophète montant dans la Bible, il est lié à l'argent ou bien au matériel. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous avons également lu ça hier, mais regardons le caractéristique. Verset 16 à 19, la Bible déclare, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. » de sortir d'elle et il sortit à l'heure même. Maintenant, verset 19, remarquez. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, l'espoir de gain, s'est saisi de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant les magistrats. Je crois qu'il faut qu'il y ait des confrontations comme ça que pour que les vrais prophètes puissent délivrer les faux. Donc, reviendrons dans le livre des Actes de ces deux Pierre. On voit là-bas cette femme-là qui prophétisait. Effectivement, il a prophétisé sur la vie de l'apôtre Paul. Souvenez-vous qu'il y a également, j'ai dit que le don des divinations, on peut reconnaître ça, ta position maintenant. On peut également reconnaître ce qui est dans le passé. Donc, c'était légitime qu'elle puisse voir que l'apôtre Paul et Jean étaient des serviteurs du Dieu très haut. Donc, en voyant cela, on voit que elle faisait cela pour de l'argent. La Bible déclare que comme l'esprit était sorti, il ne pouvait plus avoir des clients. C'est ce que la Bible nous fait ressortir. Et ici, dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, au verset 3, si, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, chapitre 2, verset 3, la Bible déclare, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc, ceux qui m'écoutent maintenant, si tu es un faux prophète, sache que la Bible déclare que la condamnation est déjà sur toi. Regardez maintenant ce qui est écrit. Regardez bien. Si on va au verset 14, regardez verset 14 du chapitre 2 toujours. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. Voilà encore une autre caractéristique. Les faux prophètes ont le foyer instable. Ils ont les désirs sexuels non satisfaits. Voilà pourquoi vous allez voir, vous allez entendre, ils ont des enfants. Comment on dit cela? C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs enfants avec des femmes différentes. Dans des assemblées, vous voyez des pasteurs qui ont divorcé, des prophètes qui ont divorcé et ont continué à prêcher la parole de Dieu. Et des gens continuent à aller comme des aveugles. Ici, au verset 14, il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. C'est terrible. Donc, la Bible déclare clairement que les caractéristiques principales des faux prophètes. Et si nous prenons également, si vous voulez, Actes chapitre 8, nous allons voir l'un d'un qui a également été délivré. On va voir très bien que c'était ses caractéristiques. Dans le chapitre 8, si nous prenons à partir du verset 9, où l'apôtre Philippe est allé évangéliser dans la ville de Samarie. Au verset 9, il est écrit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important. Remarquez encore le caractéristique. J'espère que les auditeurs sont de les suivre. Donc, ces gens-là, nous avons parlé tout à l'heure de vrais prophètes comme étant quelqu'un de humble. Ces personnes-ci montrent, puisque l'esprit de Jésus-Christ était un esprit humble, la Bible déclare que ayez en vous les caractéristiques qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ, qui étant à la position de Dieu, ne s'est pas pris comme Dieu, mais s'est humilié lui-même. Donc, quelqu'un qui travaille sur la puissance du Saint-Esprit connaîtra que ce n'est pas lui qui agit, mais que c'est le Dieu souverain qui agit au travers de lui. Mais celui-ci, il dit, s'est donné pour un personnage important. C'est-à-dire qu'il se vante. L'orgueil les caractérise. La Bible déclare, c'est normal, et il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Je vais arrêter ici pour dire ceci. Beaucoup de personnes sortent de l'Orient et vous allez voir ces gens de personnes qui fait de la magie. Il y a des spectacles de magie qu'on fait et on montre à la télévision. Oui. Ces personnes ont les caractéristiques, l'apparence de l'humilité. Quand vous les voyez, je dis particulièrement ceux qui sortent du Moyen-Orient, des Chinois, du Moyen-Orient et de l'Orient. Ceux-là ont l'aspect externe caractérisant l'humilité. Mais ce n'est pas de chaque forme d'humilité dont la Bible parle. Donc, la Bible déclare verset 10 des chapitre 8 des Actes des Apôtres, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Remarquons très bien, ça veut dire que tout le peuple était acquis à sa cause, autrement dit connecté à Satan. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Vous voyez, si la parole de Dieu n'est pas prêchée véritablement dans une vie, Dieu merci que la parole était venue là-bas pour les délivrer. Dans chaque assemblée, dans chaque communauté où la parole de Dieu n'est pas prêchée dans la puissance du Saint-Esprit, les gens seront totalement aveugles comme ça. On va dire, allez vendre votre mamie, venez donner l'argent pour l'offrande de ceci. Ils vont le vendre parce qu'ils n'ont pas plus que cela. Dieu merci, la parole de l'heure est là maintenant. Verset 11, ils écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par les actes de magie. Étonné par les actes de magie. Mais verset 12, mais quand il eut cru à Philippe qui lui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, homme et femme se fit baptiser. Maintenant, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc, quand un vrai prophète fait des choses, le faux prophète lui-même lui est étonné. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, bon, on va sauter pour aller rapidement là-bas. Quand les apôtres, Simon a vu que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains, quand les apôtres sont venus. Maintenant, on va aller à partir du verset 17. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18 maintenant. Lorsque Simon, c'est Simon qui était magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Donc, en fait, C'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Il a quitté un plan, c'est le plan de la magie. Il est entré dans le corps pour montrer clairement que dans son métier, c'était à cause de l'argent, c'était par cupidité. Il croit que c'est de la même façon ici. L'apôtre Paul va lui dire, et c'est la même chose que le Saint-Esprit dit maintenant, chaque personne qui fait ces choses-là, qui vend le don pour de l'argent. La Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors si vous avez le don de prophétie, prophétisez gratuitement, parce que le don, ce n'est pas pour toi. Le robinet ne boit pas l'eau. Écoutez bien, le robinet ne boit pas l'eau. Le robinet distribue l'eau aux populations. Le robinet n'a jamais bu aucune goutte d'eau. Donc la Bible déclare ici, mais en disant, verset 20, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc, frères auditeurs, nous voyons que la grande caractéristique, ce qui caractérise les faux prophètes particulièrement, c'est la cupidité. Et j'ai dit, et j'insiste là-dessus, l'essentiel de leur prédication tournera autour de l'argent, autour des matériels. Et la Bible nous a dit clairement là-bas qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont le cœur exercé à la cupidité dans 2 Pierre chapitre 2, verset 14. Maintenant, et la Bible déclare dans Actes chapitre 13 qu'il est plein de ruses. Donc, par-dessus tout don, c'est la cupidité qui les caractérise. La cupidité les caractérise. Vous pouvez à tout moment nous interrompre au 33 07 56 32, 33 07 56 32, 94 11 94 27 par SMS, 94 11 94 27. Si vous venez donc de prendre le train en cours, vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps de Christ. L'émission s'est blessée cet afternoon qui s'intéresse à la thématique le chrétien face à la prophétie et aux pratiques divinatoires, quelle attitude adopter? Le chrétien face à la prophétie et aux pratiques divinatoires, quelle attitude adopter? Sur Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps de Christ, bien entendu. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, au 94 11 94 27, 94 11 94 27. Nous vous en supplions. Dites-nous donc, évangéliste, comment est-ce qu'on peut mettre les choses au clair, hein, lorsqu'il y a encore des prophètes après Jésus-Christ, comment est-ce que c'est possible de mettre les choses au clair? En fait, il y a plusieurs courants religieux. Je crois que c'est la question également bien la bienvenue, parce qu'il faut remettre les choses au clair. En fait, il faut expliquer aux gens qu'il y a encore des prophètes après le Seigneur Jésus-Christ, parce que beaucoup de courants religieux ne croient même pas aux prophètes. Beaucoup de courants religieux ne croient pas aux prophètes ni aux autres ministères. En fait, ils croient seulement aux dons ministériels des pasteurs. Or, donc, j'aimerais bien, si vous le permettez, par rapport à votre question, allez-y, dire aux auditeurs, ceux qui nous écoutent maintenant, ceux, les lecteurs de la Bible, qu'il faut que nous restions dans la Bible. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, que l'apôtre Paul et Apollos ont fait l'application de ces choses à la personne, à savoir qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et l'apôtre Paul avait dit dans Galates chapitre 1, verset 8 et 9, que si quelqu'un vous annonce un autre évangile, y compris eux-mêmes, autre que ce qui est écrit, même si c'est un ange du ciel, qu'il soit maudit, c'est-à-dire anathème. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a plus de prophètes de nos jours. Beaucoup de personnes, beaucoup de millions, on croit qu'il n'y a plus de prophètes. En fait, beaucoup de personnes se basent sur les versets de Matthieu chapitre 24 que nous avons lu, où il y aura des faux prophètes, et de Matthieu chapitre 17, il dit plusieurs. Mais est-ce que ça veut dire que les vrais vont disparaître? C'est exactement ce qu'il veut expliquer, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais avoir de faux sans le vrai. Dieu n'a jamais laissé son époque, son peuple dans l'obscurité. Même s'il a laissé, si nous prenons par exemple des Malachies à Matthieu, il y a eu 400 ans de fossé où il n'y a pas de nouveau prophète. Oui. C'était dans son plan pour faire susciter Jean-Baptiste afin que le cœur revienne à lui. Donc, Dieu n'a jamais laissé son peuple sans prophète. Dieu a toujours donné le prophète. Et pour ce qui est de l'église du Nouveau Testament maintenant, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, la Bible déclare que le Jésus qui est descendu dans les profondeurs de la terre, c'est lui qui est monté. Il a fait les dons aux hommes. Et la Bible déclare qu'il a donné les dons aux hommes. Il a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, puis les docteurs. Les cinq ministères ont été donnés. La Bible nous explique que ces cinq ministères, ces sont dons ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi. Donc ce verset nous explique que les chrétiens seront toujours là, les prophètes, les apôtres et tout autre ministère sera là, les cinq ministères là seront là jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi que le Saint-Esprit va lui-même concorder. Donc tant que ces cinq évangélistes, oui, pour poursuivre dans ce que vous dites, en tant qu'être humain faillible, oui, a-t-on le pouvoir et la capacité de pouvoir décréter la fin d'une chose que Dieu a établie? Il a établi ses ministères. Est-ce qu'on a le pouvoir? C'est malencontreusement. C'est une aberration. C'est une aberration. Et ce n'est pas étonnant, puisque l'apôtre Pierre va dire que l'apôtre Paul a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre dans ses lettres, dans lesquelles beaucoup de personnes tordent le sens, comme ils tordent le sens de certaines choses de l'écriture. Et parlant de tordre le sens, beaucoup de personnes prennent des versets dans la Bible dont je vais donner dans 1 Corinthiens, par exemple, au chapitre chapitre 13, le verset 8. Les gens utilisent cela pour dire les dons, les prophéties cesseront, et effectivement, ça cessera. Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, c'est dans ce livre de l'apôtre Paul que les gens utilisent pour dire que les prophètes ne sont pas là. Permettez qu'on prenne ce premier auditeur. Au téléphone, allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Voilà, l'auditeur s'en est allé. Allez-y, évangéliste. Donc, je dis donc, c'est à cause de cette altération de l'écriture. Vient 33, permettez-moi de rappeler, oui. 33 07 56 32 33 07 56 32. Vous pouvez à tout moment nous interrompre au 33 07 56 32, également par SMS 94 11 94 27 94 11 94 27, je reprends, 94 11 94 27, 94 11 94 27. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps de Christ. L'émission s'est blessée cet afternoon. Au téléphone, allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Voilà, quelques problèmes de communication. Allez-y, évangéliste. Donc, je dis donc que pour montrer aux gens, il faut qu'on soit au clair. Ce n'est pas parce que la Bible a dit que à la fin des temps, il y aura des faux prophètes. La Bible n'a pas dit à la fin des temps, il n'y aura que des faux prophètes. Il faut bien préciser cela. Donc, il y en a des authentiques encore. Et dans les caractéristiques prophétiques, dit qu'ils sont rares, véritablement. Et dans le passé, la Bible nous enseigne clairement qu'ils sont rares. Mais maintenant, je vais donc mettre l'accent sur le fait qu'après le Seigneur Jésus-Christ, après la montée au ciel, la Bible déclare qu'il y a eu des prophètes. Je vais prendre deux passages de l'Écriture où les gens utilisent pour tordre effectivement le sens. Allez-y. Prenons Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, nous avons lu ça tout à l'heure, parlant des Jean-Baptiste. Et on va lire, il faut que les auditeurs comprennent pourquoi les gens tordent le sens ainsi. Au verset 11, le verset 11 à 13, la Bible déclare, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Verset 13 maintenant, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Voici le verset 13 de Matthieu chapitre 11 où les gens utilisent pour dire « Les prophètes sont arrêtés à Jean. » Donc, alors, quand les gens disent comme ça, sans avoir lu la Bible dans sa totalité, beaucoup de personnes les suivent sans s'en rendre compte. Mais maintenant, si quelqu'un affirme que les prophètes, il n'y a plus de prophètes après Jésus, alors si on voit dans la Bible, on voit qu'après Jésus, il y a eu des prophètes, alors forcément, cette assertion est fausse. Pour montrer que Dieu, les dons prophétiques et les ministères prophétiques que Dieu a donnés, c'est pour l'Église jusqu'à ce que toute l'Église de Dieu, selon son plan à lui, soit arrivée à l'unité de la foi selon Éphésiens 4, verset 11 à 17. Donc prenons donc maintenant quelques exemples dans la Bible après Jésus pour montrer qu'il y a eu des prophètes. Allons-y dans le livre des Actes des Apôtres particulièrement, puisque c'est là où l'Église commence, la manifestation physique de l'Église commence. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1 déjà du chapitre 13 des Actes des Apôtres nous dit beaucoup de choses. La Bible déclare qu'il y avait dans l'église d'Antioche. Ici, souvenez-vous au verset 1 tout à l'heure que nous avons lu, chapitre 1, on a vu comment Jésus-Christ allait et il a dit aux disciples qu'attendez ici, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les lois, les moments où Dieu a fixé sa propre autorité. Oui. Donc, Jésus dit comme ça, il monte et s'assoit à la droite de la majesté divine. Maintenant, le Saint-Esprit descend à partir du chapitre 2 sur l'église. L'église est née, la manifestation physique de l'église est née. Au verset 13, chapitre 13, maintenant, il est écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, parmi lesquels Barnabas, Simeon appelé Nigus, il y avait aussi parmi eux maintenant Saul, les Tarses. Donc on dit que la Bible nous dit qu'il y avait des prophètes et des apôtres là. Maintenant, si nous lisons également le chapitre 15, le verset 32. Chapitre 15, le verset 32. Au chapitre 15, il y a eu cette conférence de Jérusalem où les gens sont réunis. Après, on a fait le résumé final où on a distribué. Voilà, un auditeur au bout du fil. Allô, bon après-midi. Il s'en est allé, allez-y. Ok, donc je dis donc après la conférence de Jérusalem, donc, les anciens et les apôtres sont réunis pour trouver un consensus pour regarder la ligne doctrinale selon le Saint-Esprit. Et ils ont donc chargé des lettres maintenant à des personnes. Au verset 32, on lit Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, c'est le Saint-Esprit qui écrit. Oui. Les exhortaient et les fortifiaient par plusieurs. Allô, bon après-midi. Allô? Oui, allô, bon après-midi. Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Christelle. Voilà, Christelle, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Vous semblez être très timide. Je vous rappelle que c'est depuis du langage. Oui, allez-y, posez votre question, on vous écoute. Je voudrais savoir comment reconnaître les vrais prophètes. Comment reconnaître les vrais prophètes? Voilà, cette question venait d'être largement répondue. Merci Christelle, hein, pour cet appel au 33 07 56 32, 33 07 56 32. Par SMS 94 11 94 27 94 11 94 27. Évangéliste, peut-être en une minute, vous allez certainement régir à cette préoccupation de Christelle. Voilà, une autre préoccupation. Au téléphone, allô, bon après-midi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Je vous appelle comment, s'il vous plaît? Gata de la La sœur Yvonne, je suis Nadir Ngwele. Oui, allez-y Yvonne, allez-y. Et je voudrais féliciter les artistes. Oui. Et je vous dis aussi, s'il faut sortir ça sur cassette pour que nous puissions acheter. Voilà, on ne vend pas, on ne vend déjà pas. Voilà, on ne vend déjà pas. Appelez-nous à la fin de cette émission. Appelez à la fin de cette émission lorsqu'il sera 18h. On donnera donc la conduite à suivre. Merci, Cérivonne, pour cette préoccupation. 33 07 56 32. Il n'y a pas de commercialisation déjà et c'est important d'apporter cette précision. 33 00 7 56 32. 33 7 56 32. Également par 94 11 94 27. 94 11 94 27. Cette Christelle de Bilongue. Oui, en fait, je pense que si Christelle nous a suivi depuis le début, mais avant d'attendre d'autres auditeurs, peut-être. Oui, allez-y. Ok, allez-y. Donc Christelle et toute autre personne qui vient nous recevoir maintenant, j'ai dit, et j'ai eu le temps d'entrer en profondeur, j'ai dit, un vrai prophète de Dieu conduit toujours les gens à la parole. Il ne va jamais au-delà de la parole écrite. Il ne considérera jamais la parole de Dieu. Donc si quelqu'un vous donne une prophétie qui contredit un tant soit peu la Bible. Par exemple, vous êtes marié, on vous dit que votre mari c'est une autre personne, alors que vous êtes marié depuis, alors cette prophétie ne vient pas de Dieu. Il faut reconnaître clairement. Et j'ai dit, l'une des grandes caractéristiques d'un prophète de Dieu, c'est l'infaillibilité de ce qu'il prononce, parce qu'il a l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur ne peut pas être faillible. Donc, quand quelqu'un vous donne une déclaration et qu'il cite des choses énumérées, les choses doivent être exactement. S'il dit, par exemple, vous entrerez dans une maison, vous trouverez 5 personnes, 2 seront assis, 3 debout. S'il y a 3 assis, 2 debout, alors c'est pas la parole de Dieu. Voilà, au téléphone, allô, bon après-midi. Voilà, l'auditeur s'en est. Allez, donc, ils ne prophétisent pas pour des motifs impurs, par accession de personnes ou... Voilà, au téléphone, allô, bon après-midi. Voilà, la communication n'est pas... Bonsoir. Bonsoir, je vous appelle comment, s'il vous plaît? Je suis le frère. Éloignez-vous un peu, s'il vous plaît. Oui, il y a du bruit auprès de vous, Michel. Il y a du bruit. Il dit qu'il n'y a pas de marché Congo. Voilà. Vous aimeriez savoir, Michel? Voilà, on n'a pas très très bien saisi sa question. Si Michel est... Voilà, si Michel est à l'écoute, qu'il revienne, on n'a pas très très très bien saisi sa question. Chuté rapidement. Donc, je disais donc, pour rappeler à Christelle, que le vrai prophète ne prophète jamais quoi que ce soit qui est en contradiction avec la parole. Il n'est pas dirigé par un conseil d'homme ou un président de conseil. Donc vous voyez, quelqu'un qui dit déjà que je suis prophète de telle dénomination, alors commencez à douter de son appel. Parce que Dieu appelle les gens dans la liberté du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est contrôlé par un président de conseil d'administration d'une paroisse ou qui va le diriger selon sa guise, l'envoyer à Ngelmoduka prêcher ou bien aller dans le centre prêcher selon sa volonté, alors il n'est plus sous la puissance du Saint-Esprit, mais sous la puissance humaine. Donc l'autre caractéristique du vrai prophète, c'est qu'il est humble. Le caractère humble, en fait, puisqu'il a le Saint-Esprit de Dieu et le caractère de Dieu, puisqu'il porte la parole de Dieu, cette personne-là, l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, la compassion de Dieu émane d'eux. Il n'a pas besoin de l'extravagance, de mettre des parfums, des savons extravagants pour briller aux yeux des gens, pour attirer les gens. Ils ont généralement le caractéristique d'Ésaïe chapitre 53. Ils n'ont pas de regard pour attirer notre... Ils n'ont pas de beauté pour attirer nos regards. Nous, on le rejette. Il est généralement méprisé. Par-dessus toutes choses, je le dis encore ces choses, c'est l'exactitude de leur prophétie. L'exactitude de leur prophétie. Voilà. Au téléphone, allô, bon après-midi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ose croire que c'est Michel du marché Congo qui revient. Gislain du marché Congo. Allô. Oui, allô, on vous écoute, Gislain. Allez-y. Voilà, des problèmes de communication. Évangéliste peut-être dans la même trajectoire. Comment donc déterminer qui est faux prophète lorsque ce dernier parle et prie au nom de Jésus? Est-ce possible d'avoir ces enseignements sur CD? J'ose croire que l'homme d'adore écoute vos préoccupations. C'est pratiquement la même préoccupation qu'on reconnaît de vrai. Ces choses ont été décrites. Bonsoir. On ne comprend réellement pas. Ce qu'il faut préciser aux auditeurs, c'est que quelqu'un ne dira jamais de faux prophéties au nom de Satan. Ils utiliseront toujours le nom de Jésus. Et je redis encore, ces fins d'année, ça va pleuvoir au nom de Jésus-Christ. Et tout cela, c'est au nom de Jésus. Alors, 94 11 94 27, 94 11 94 27, 33 07 56 32, 33 07 56 32. Évangéliste, je ne sais pas si vous avez terminé avec ce que vous étiez en train d'expliquer, mais j'en ai une autre préoccupation. Oui. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un se nommant serviteur de Dieu ou prophète exerce consciemment la divination. Voilà, nous abordons maintenant le clou, le nerf de la guerre maintenant. Donc, en fait, il faut savoir que l'on peut être sincèrement dans le faux. Maintenant, un serviteur de Dieu, normalement, c'est Dieu. Mais s'il se nomme serviteur de Dieu par lui-même, sans que Dieu ne l'ait appelé ainsi, je crains qu'il soit à son insu, plus ou moins utilisé par Satan. De toutes les façons, quand on commence à exercer dans les dons de puissance et de révélation, on doit et on peut savoir clairement qui on sert. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Par exemple, lorsque les gens partent à l'initiation, au cimetière... Permettez-moi de vous interrompre. Au téléphone, allô, bon après-midi. Bon après-midi, allô. Oui, je vous appelle comment, s'il vous plaît? Je suis Hubert de village. Gislain de village. Hubert de village. Oui, Sylvain. Oui, Sylvain de village. J'ai une préoccupation, là. Depuis un certain temps, quand je pose les mains sur les malades, ils retrouvent la guérison. Même par téléphone... je prie pour quelqu'un et on trouve la guérison. Oui. Alors j'aimerais savoir si c'est un don de Dieu. Sylvain, Sylvain, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui, oui, oui. Quelle est la promesse de la Bible qui est écrite dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 17? Ceux qui auront cru pourront prier pour les malades et guéris. Alors maintenant, est-ce que vous avez cru en Jésus-Christ de Nazareth? Si. Alors laissez-le vous utiliser à sa guise, d'accord? Ne doutez point du don que Dieu a mis en vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, merci pour cette préoccupation de Gislain. Allez-y. Quelqu'un est-ce que c'est possible que quelqu'un se nommant serviteur de Dieu puisse exercer consciemment la divination? Donc, j'étais en train de dire donc qu'à un moment donné. Voilà, une autre préoccupation. Au téléphone, allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Oui, je vous appelle comment, chère madame, s'il vous plaît? C'est la sœur Florence à l'issue de l'opéra. Oui, Florence. Je vous en supplie, éloignez-vous de votre poste récepteur. Je vous en supplie. Ou baissez complètement pour que la communication soit agréable. Je vous en supplie, Florence. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Oui, j'avais une préoccupation là. Oui, allez-y, on vous écoute. J'aimerais que le frère explique clairement aux uns et aux autres la différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que lorsque quelqu'un a le don de prophétie, femme ou homme, il se déclare automatiquement prophète. Et je voudrais que vraiment, vous preniez le temps d'expliquer aux gens une fois pour toutes ce qu'il en est. Merci Florence. L'occasion est donc donnée, évangéliste. Alors, au lieu de faire une fuite en avant, oui. Revenez donc sur cette question. Okay, la différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. Et cette question également divise encore l'Église. Ça veut dire ça crée beaucoup de problèmes dans l'Église. Nous voyons effectivement, comme nous voyons dans sa préoccupation, que ça évidemment que ça gêne. Oui. Alors, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 et que nous faisons des rapprochements avec le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17. Oui. La Bible déclare que voici ce qu'a déclaré le Seigneur au dernier jour, je déverserai mon esprit sur toutes chez vos fils et vos filles prophétiseront. Remarquons très bien que la Bible a dit ils prophétiseront, n'a pas dit qu'ils auront des ministères prophétiques. Donc, c'est quand quelqu'un exerce le ministère prophétique, alors il est prophète. Lorsque quelqu'un a le don de prophétie, ça ne fait pas de lui un prophète. Donc, il faut qu'on explique ça aux chrétiens. Pourquoi? Maintenant, en fait, voici la chose. Les caractéristiques d'un prophète, si on regarde les caractéristiques inhérentes, c'est-à-dire l'intérieur d'un prophète, le prophète a des visions. Constant. En fait, si vous regardez un prophète, on ne devient pas prophète comme aujourd'hui. On regarde, les gens vont dans les centres de formation des fous pour devenir des prophètes. Ils disent qu'ils partent dans les écoles de prophètes. On ne devient pas prophète à un moment donné. Mais pourtant, le don de prophétie, on l'a à un moment donné. Et le don de prophétie, ça se passe à partir du moment où tu es venu en Christ et que tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'accorde selon sa volonté. Pourtant, un prophète, lui, il naît ainsi. C'est-à-dire que la constitution interne des prophètes, pas étonnant que Dieu les appelle ses aigles parce qu'ils ont la vision depuis. Si vous prenez le cas de Joseph, par exemple, dans la Bible, prophète au sens de la Bible du thème. Les prophètes au sens de la Bible du thème, comme Joseph, ils ont la vision depuis l'enfance. Ils savent que Dieu les a appelés. Prenons le cas de Moïse. Moïse savait par révélation qu'il est appelé prophète. Il est appelé à délivrer Israël. Donc, si on lit... ceux qui m'écoutent maintenant, ils sont prophètes, ils sauront de quoi ils sont allés parler. Parce que je vous ai dit aussi que c'est une autre grâce également pour connaître véritablement un prophète. Donc, ceux qui m'écoutent maintenant, ils doivent savoir que, en plus des dons de révélation, le prophète, le véritable prophète de Dieu a le don de discernement des esprits. Ce qui n'est pas le cas pour celui qui a le don de prophétie. Par prophétie, quelqu'un peut être poussé par le Saint-Esprit à déclarer une parole. Et celui qui a le don de prophétie peut parler, donner la parole de connaissance, la parole de sagesse, sans toutefois regarder à l'intérieur du spirituel. C'est-à-dire sans voir ce qui se passe. Mais il ouvre la bouche, par exemple, il parle que ton père t'appellera demain, point final, mais sans voir. Quand le prophète, lui, il parle, il voit l'événement exactement comme un écran qui est placé. Donc je crois que les gens sont aimés comprendre. Donc quand un prophète déclare quelque chose, il voit l'événement. C'est-à-dire que l'écran de télévision au devant de lui, il voit la scène se dérouler. Voilà pourquoi si on prend un cas, je crois qu'il faut qu'on aille dans la Bible pour lire là maintenant. Allez-y. Alors prenons le livre de 1 roi au chapitre 1, 1 roi au chapitre 22. J'aime vraiment cette parole-là particulièrement. 1 roi au chapitre 22, c'est cette confrontation dont nous allons parler maintenant entre Akab et ses disciples, Akab et ses prophètes, le faux prophète de sa femme. Alors maintenant, lisons maintenant ce que le prophète Michée est venu et qu'il a dit. Regardons très bien. À partir, si nous prenons à partir du verset 18, du chapitre 22 de 1 roi, la Bible dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te lèche pas, dit, remarquons très bien, il prophétise ce qui est contraire à ce que les autres ont eu prophétisé. Mais c'était la parole de Dieu. Maintenant, il dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, puisque nous parlons de temps, il va aller vraiment vite là, ne te lèche pas, dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis. Regardons très bien ce qu'il passe. Donc, en parlant, il a vu la chose se dérouler. Mais pourtant, ceci, quand il prophétise, il va, tu vas vaincre. Les faux prophètes le font. Donc, par profession, peut donner une parole, mais ici le prophète a la vision, constamment la vision. Le prophète a constamment la vision. Le don de discernement des esprits, c'est très important. La parole de sagesse, la parole de connaissance. Le prophète incarne toutes ces choses-là. Pourtant, quelqu'un qui a le don de prophétie seulement peut ne pas avoir des visions, peut ne pas avoir des révélations ni des dons de sagesse. Mais le prophète a exactement tout ceci. Maintenant, voici ce qu'il dit. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui se dira à Akab? Donc, c'est comme si, puisque la Bible appelle ce Dieu-là le Dieu de l'esprit des prophètes, c'est comme si les prophètes assistent au conseil des dieux. C'est comme si les prophètes assistent au conseil des dieux. Si on prend encore un deuxième exemple de ces mêmes des prophètes ainsi, nous allons voir le cas d'Élisée lorsque le roi d'Assyrie a envoyé ses gens aller entourer la maison d'Élisée pour le captiver. Parce que chaque fois qu'il disait quoi que ce soit, Élisée dénonçait en disant au roi d'Israël, ne pas à tel endroit parce que le roi d'Assyrie va se camper à tel endroit. Remarquez que quand les chars d'Assyrie sont venus entourer la ville, il n'a pas bougé d'un cran parce que lui, il voyait au-delà de ce qui était dans la chair. C'est-à-dire qu'il a constamment des visions. Quand Géasi, son serviteur, est allé prendre le char, les vêtements de rechange parce que Naaman n'avait pas donné, Élisée n'avait pas pris cette offrande-là pour montrer encore le caractère des vrais prophètes, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, Naaman est rentré vers lui. Non, Géasi est rentré vers lui. Il a dit, où étais-tu? Il dit, je suis allé ni à gauche, ni à droite. Il lui a dit, mon esprit n'était pas quitté lorsque j'étais à côté de ces chars et que tu t'es approché de ces chars et que tu as pris le vêtement. C'est pour dire, il y a clairement une différence entre le don de prophétie et le don de prophétie, le ministère prophétique. Donc, et frère, si tu permets, beaucoup de sœurs sont trompées ainsi. Je parle particulièrement des femmes. Si vous lisez la Bible, et ceci, ça va scandaliser, ça risque de scandaliser les gens qui sont à l'antenne. Si vous lisez votre Bible, le Nouveau Testament, je parle du Nouveau Testament, vous ne verrez aucune prophétesse dans le Nouveau Testament, sinon celle qui est usurpatrice, Jézabel, dans l'Apocalypse chapitre 2. Il n'y en a pas de prophétesse. Mais pourtant, on voit les filles qui prophétisent, comme les filles de Philippe, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 8 à 11. Mais pourtant, il y a un mystère prophétique qui est exercé chez Philippe par Agabus qui prophétise par rapport à la famille. Donc, le ministère des prophètes est un ministère dans le Nouveau Testament, c'est un ministère de conduite spirituelle et d'autorité. Voilà pourquoi c'est réservé aux hommes. Donc les cinq ministères d'Éphésiens chapitre 4 sont réservés aux hommes, y compris le ministère des prophètes, parce que c'est un ministère d'enseignement, d'autorité. Or, les femmes ne sont pas intégrées là-dedans. Donc si on regarde le prophète au sens du Nouveau Testament du thème, il n'y a pas de prophétesse dans l'église de Dieu. Maintenant, les sœurs ont des dons de prophétie véritablement, comme les autres dons, mais on les appelle prophétesses. Si je vous comprends bien, évangéliste, oui. Le ministère prophétique est permanent et le don est ponctuel. Exactement, nous y voilà. Donc voilà dans le résumé. Donc le ministère prophétique est permanent. Permanent. Un ministère, il donne la direction. Il donne la direction. C'est pour cela qu'il revient aux hommes. Il revient aux hommes. Et le don de prophétie est ponctuel. Et peut se manifester chez la femme comme chez l'homme. On reviendra certainement parce qu'on n'a vraiment pas atteint vraiment le quart de ce sujet. Vous êtes disponible, si vous le voulez bien, à la demande bien des auditeurs, on peut le poursuivre la semaine prochaine. D'autres préoccupations, c'est énorme. Nous sommes pris par le temps. On ne peut pas épulcher cela parce que vous n'avez vraiment pas fini de répondre à cette question. Oui. Quel est le rôle exact du prophète? Veuillez signer vos SMS, je vous en supplie, au 94-11-94-27. Nous sommes en compagnie de l'évangéliste Élibert Antiabda. Vous pouvez facilement l'identifier. L'homme dont Jésus a touché les doigts, l'homme d'or, tonton Théo du côté technique, vous pouvez identifier ceux qui sont à l'antenne. Veuillez signer vos SMS 94-11-94-27, 94-11-94-27 également, 33-07-56-32, 33-07-56-32. Quel est le rôle exact du prophète dans l'église du Nouveau Testament? Ça, c'est une autre préoccupation. Je crois que tout à l'heure, je vais dans le développement, j'ai développé ça. Il dit le ministère prophétique, c'est un ministère de conduite et d'autorité et de direction. Au téléphone, allô, bon après-midi. Oui, Patrick, c'est Sylvain qui revient. Oui, allez-y, Sylvain. Oui, dites-moi, pasteur, j'aimerais comprendre. Est-ce qu'un pasteur doit-il simplifier les offrandes à la fin du culte? Que le pasteur peut simplifier, sanctifier. Simplifier les offrandes à la fin du culte. C'est-à-dire qu'il dit que l'offrande est petite. Oui. C'est un commerçant ou bien c'est un vrai pasteur de Dieu? Alors, je suis désolé, franchement, voilà des tels choses que nous dénonçons dans l'église aujourd'hui. Remarquez très bien, la Bible a dit dans ces deux Pierre chapitre 2 que par cupidité trafiqueront des âmes mal affermies. La Bible, et je crois que si le Seigneur le permet, si cette antenne-ci, il faut qu'on parle du ministère d'offrande dans le Nouveau Testament également. Alors, il faut qu'on se comprenne, et ici, ça risque également de scandaliser. Ce n'est pas au milieu du culte chaque fois que l'offrande doit être donnée. L'offrande, d'après le Nouveau Testament, c'est pas comme ça se passe. Donc, si on a le temps, on va développer cela. Si un pasteur voilà. Ça fait comme ça. Voilà. Alors, c'est au téléphone, c'est allô, bon après-midi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous appelle comment? Oui, je me prénomme la sœur Chimène. Oui, allez-y, Chimène. Allez-y, Chimène. Oui. Ok, je voudrais avoir une précision, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Parfois, quand dans l'église, un soeur peut-être obtient une promotion ou bien une soeur qui est bénie et tout, le pasteur dit que l'aidez-vous, vous vous connectez à la grâce de ce frère qui a eu une promotion. Donc, soit en donnant une offrande, et lui dit parfois s'aimer. S'aimer pour être collecté pour avoir la même bénédiction. Je voudrais savoir vraiment si c'est spirituel ou bien si c'est vraiment. Alors, Chimène, je pose. Qui est normal de faire vraiment. Alors, Chimène, je pose directement la question. Depuis que tu sèmes dans, ou bien tu as vu les gens s'aimer, ont-ils été connectés? Alors, Chimène a raccroché. Ok. Donc, voilà de telles déviations qu'il y a dans l'église aujourd'hui. Donc, ce sont les caractéristiques. Je crois que ce que nous avons dit ainsi est également valable pour les serviteurs des serviteurs qui ne viennent pas de Dieu. Donc, toutes les caractéristiques, par rapport à la cupidité dont nous avons fait de la démonstration aujourd'hui, valable pour les faux prophètes, c'est également valable pour les serviteurs d'iniquité qui sont entrés dans l'église aujourd'hui. Est-ce que Dieu nous connaît aux choses célestes ou aux choses de la terre? Mais c'est quand même curieux. Dans le livre des au téléphone, à bon après-midi. Baissez complètement, je vous en supplie, c'est désagréable. Baissez complètement le volume de votre poste récepteur. Allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Allô. Oui, je vous appelle comment, s'il vous plaît? C'est le frère Boulain de la France. Oui, baissez le volume complètement. Oui, j'ai suivi le pasteur parler là tout à l'heure, ça m'a trop plu. Oui, je vous appelle comment? Je voudrais comment savoir comment avoir ces coordonnées pour concevoir et passer. Voilà. Que je suis dans le Seigneur. On cherche à connaître la vérité, on se fait de temps en temps. Voilà, cher ami, appelez-nous à la fin de cette émission, lorsqu'il sera 18h. Appelez-nous à la fin de cette émission. Merci pour votre préoccupation. Voilà, je dis appelez-nous à la fin de cette émission. Voilà, merci. Merci, la réalisation s'en occupe. Bonsoir en studio. Bonsoir en studio pour juste renchérir ce que le frère est en train d'expliquer, pour ajouter que le seul moyen pour reconnaître le vrai ou le faux prophète, ce n'est pas la manifestation du miracle ou la guérison, mais par son message. Prêché. Lorsque Paul fait la rencontre de Jésus, il prêcha le royaume de Dieu. Voilà, c'est ce que dit cet auditeur. J'ai dit seulement Amen. Voilà, qui n'a pas signé, une autre préoccupation, que Dieu vous bénisse, évangéliste, et vous accorde davantage l'esprit de sagesse et de révélation, car ce que vous dites est l'exacte vérité. Pierre Désiré, merci pour les biscuits. Anne qui de Luc 2, 36, 36 à 38 était quel type de prophétesse? Ok, je crois que cet auditeur, il faut qu'on éclaircisse. J'ai bien dit dans l'église du Nouveau Testament. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre les choses. Beaucoup de personnes lisent la Bible et ne peuvent pas appréhender. Et je m'attendais à cette question. Quand je dis qu'il n'y a pas de prophétesse dans le Nouveau Testament, Anne n'est pas dans le Nouveau Testament. Mon cher, tu lis ta Bible, tu vas lire dans Hébreux, il est écrit clairement que le testament ne peut pas fonctionner sans la constatation du mot de testataire. Jésus-Christ étant sur place pendant que, et en fait, c'est même à la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'Ancien Testament là. Donc le Nouveau Testament véritablement commence dans Actes des Apôtres. C'est-à-dire que le testament de l'Église commence dans Actes des Apôtres, des Actes du Saint-Esprit. Donc c'est à partir de là-bas qu'on peut commencer à regarder comment l'Église a fonctionné. Nous n'avons pas pu éplucher ce sujet. Évangéliste Eli Bertrand, êtes-vous disponible pour les prochains jours. Il faut le préciser, une dernière préoccupation, la femme qui a porté une préoccupation au sujet des funérailles. Elle dit qu'elle est mariée. À une catholique. Et, et son mari est un fervent catholique. Comment faire pour s'en débarrasser et ne pas frustrer son mari? Je crois que ici également, il faut l'enseignement, il faut particulièrement que les femmes soient enseignées par rapport à l'autorité qui est devant, qui est leur mari. Donc la Bible nous déclare au livre de 1 Pierre au chapitre 3, je crois, du verset 1 au verset 7, la Bible déclare que les maris qui ne croient pas à la parole, c'est par le caractère de la femme qu'on doit gagner son mari. Donc, à jamais, cette femme ne doit pas quitter l'autorité de son mari, elle ne doit pas se défaire de son autorité de son mari sous prétexte qu'elle est croyante. Ce qu'il faut faire, je lui donne deux voies. La première voie, c'est mettre en prière pour la transmission, pour que Dieu se révèle à son mari. Parce que si son mari arrive à la vérité de Jésus-Christ, il va laisser ces choses-là. Deuxième chose, elle peut prier pour créer des situations pour que son mari lui-même désiste dans de telles choses. Donc, tous les âmes, c'est pas la prière, mais par-dessus toutes choses, je lui demande la soumission à son mari. Voilà, la soumission, on y reviendra, c'est tellement, ça a été beaucoup d'SMS. Bonsoir frère, est-ce que la prophétie de la femme est considérable ou doit-on consacrer une femme pasteur? Soyez bénis, c'est Basile. Bonne question également, est-ce qu'on peut enchaîner rapidement Oui. Pratiquement, on n'a plus de temps. Bonsoir pasteur, est-ce que la dîme existe dans le Nouveau Testament? Voilà, beaucoup d'autres préoccupations. Okay. La première préoccupation est vraiment intéressante. Bon, pour le cas de la dîme c'est pas pour le chrétien du Nouveau Testament. Donc, le chrétien du Nouveau Testament donne sa totalité, la totalité du bien du chrétien appartient à Jésus-Christ. Donc, la dîme, ce n'est pas pour le chrétien. Mais maintenant, je vais revenir sur le premier SMS, là où on a parlé. Bonsoir, frère. Oui. Est-ce que la prophétie de la femme est considérable ou doit-on consacrer une femme pasteur? Soyez bénis. Ok, donc, premier volet, est-ce que la prophétie de la femme est considérable? Nous avons dit hier que la prophétie, c'est une parole donnée à quelqu'un, à un individu ponctuel, de façon ponctuelle, et ça venait des dieux. C'est sous réserve que ça vient maintenant des dieux. Si ça vient des dieux, on doit considérer exactement comme la parole de Dieu. C'est ce qu'on doit savoir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que la personne est une femme qu'on ne doit pas considérer sa prophétie. Ce que nous voulons peut-être dire, qu'il va falloir revenir sur cette différence entre le ministère prophétique. On va revenir sur le don. Voilà. Donc pour les femmes pasteurs, on ne consacre le ministère pastoral. Les cinq ministères d'Éphésiens 4 ne sont pas pour les femmes. Je sais qu'il y a des femmes qui sont en train de m'écouter maintenant qui ne vont pas être contentes. Je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu dans cette vie qui ont consacré les femmes pasteurs. Mais Dieu va vous demander des comptes parce que vous avez fait quelque chose qui est contraire au principe de l'Église du Nouveau Testament. Donc, il n'y a pas de femmes pasteurs. Il n'y a pas de femmes apôtres. Il n'y a pas de femmes évêques. Il n'y a pas de femmes anciennes dans l'église. Acte 3, cette semaine, on vous le promet, on n'a pas pu éplucher ce sujet. Voilà, on ne peut pas rendre tous vos préoccupations. Nous sommes arrivés donc au terme de cette partie. Merci de votre disponibilité, évangéliste. Un dernier mot avant de pouvoir sortir de cette émission. Donc, si le Seigneur le permet, afin que nous nous retrouvions encore pour continuer ce thème, si le Seigneur le permet, je prierai vraiment les auditeurs de garder le cœur directement dans la parole. Que chacun veille en cette fin de l'année afin que le Seigneur se révèle lui-même. Il faut que chacun cherche le contact avec le Seigneur. Donc il faut que tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui n'ont pas écouté la voix de Dieu, Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix. Ils écouteront seulement la voix du grand berger. Et la voix de Jésus-Christ, la façon de Jésus-Christ de parler sans ambiguïté, c'est par la parole. Donc tu peux avoir une vision, ça vient de Satan. Tu peux écouter une voix, ça vient de Satan. Mais la parole écrite est infaillible et c'est la semence incorruptible. Donc je prie que les gens demeurent dans la parole. Que les gens demeurent dans la parole, c'est avec ce mot que nous sortons. L'acte 3, c'est la semaine prochaine. Le chrétien face à la prophétie, aux pratiques divinatoires, quelle attitude adopter? On n'a pas eu le temps d'aborder les solutions, vous avez constaté. On n'a même pas eu le temps d'éplucher comment discerner la divination dans nos vies quotidiennes. Beaucoup de préoccupations, l'attitude des prophètes de leur vie. Comment ont-ils vécu? Bon, beaucoup d'autres préoccupations, on y reviendra la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous. Merci de votre intérêt. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette émission. Merci à Frédéric Tchoumeni et son épouse Olive qui sont ailleurs. Merci à Madame Aïssi, à Néobam Florence du côté de leur pomme. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette émission. Ils sont tellement nombreux. Merci à Sylvain Chimène. Merci également à notre ami Michel du Marché Congo, Basile, Christelle. Ils sont nombreux. Nous ne les citerons pas. Voilà. Merci également à Inis Pilagé-Bouélé et à Irine Dongo pour leur soutien moral. Merci également à Joseph Dikouma Bessie, tout comme à Delvian pour leur soutien également, pour leurs encouragements. Merci également également à Madame Grace Tiabda, voilà, qui nous a écouté encore ce jour. Très important. C'est donc terminé pour ce jour. Évangéliste, un dernier mot. Oui, je voulais saluer particulièrement les gens qui sont dans les périphéries, qui ne peuvent pas nous écouter, qui ne peuvent pas appeler, ceux qui ont désiré écouter cette émission ou bien participer à cette émission, et ceux particulièrement qui ont envoyé des SMS qu'on n'a pas abordés, et nous promettons par la grâce de Dieu que nous allons répondre la prochaine fois. Voilà, on va répondre la prochaine fois à ceux qui certainement qui sont à Baninkop, à Limbé, partout. Merci d'avoir été des nôtres. L'homme dont Jésus a touché les doigts, l'homme d'adore, Tonton Théo, a assuré le côté technique. Patrick Raoul Bifurk, je suis ce que je suis derrière ce micro de présentation. Prenez toujours la vie du bon côté avec Jésus-Christ de Nazareth et évitez surtout d'aller en enfer. Que Dieu vous bénisse.